Barakallahu fikoum pour les frères, pour les sœurs. Je passe à Al-Qalm, inshallah ta'ala, qui va faire un petit rappel vite. Et ensuite, inshallah ta'ala, le frère Abdullah 15, je vous présente le frère Al-Qalm. C'est un frère, Ahsabou kadhalik wa la yuzki Allah ahadan, un frère des salaf qui vit au Canada et qui, inshallah ta'ala, a l'intention de faire la hijra. Il attend seulement que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre cette porte. Il va vous faire, inshallah ta'ala, un petit rappel, entendre et il y a tafadhal, inshallah ta'ala, mashkoura. Tafadhal, l'akh al-qalam, prends le micro. Salam alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez? Barakallahu fik, cheikh. Vous m'entendez? Oui. Alors, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi. Barakallahu fik, cheikh. Malgré que vous avez exagéré dans ce que vous avez dit sur moi. Je voulais juste parler de la science en tant que chose qu'on devrait atteindre, yani le fait d'apprendre la science sur Paltalk. Vous savez que sur Paltalk, il y a des salons qui s'ouvrent et qui sont gérés par des gens qui sont inconnus, des gens que personne ne connaît, des gens qui sont chez eux, qui ouvrent, donc qui allument le PC et qui prêchent la religion comme ça, sans référence, etc. Le problème c'est que ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas de science et qui semblent avoir de science, avoir la science. Pourquoi? Car on n'a pas la science. Donc lorsqu'on rentre dans leur salon, on croit à première vue que ce sont des gens qui ont la science. Mais en vérité, ils n'ont aucune science. C'est des gens que je connais comme pseudo, yani ici sur Paltok, que wallah al-azim, ils n'ont aucune science et qui de nos jours vont sur leur site, hein, des sites, et qui font des copier-coller et prêchent leurs égarements. Moi, je me conseille, moi en premier, et je conseille mes frères et sœurs, d'assister au cours du cheikh Mohamed Chalabi, ici présent avec nous, dans le salon Apprendre l'islam sur le vrai minhaj, et aussi dans les autres salons, comme par exemple le salon des Talabat al-Ilm, comme le salon des repères de la Sunna, avec Abdul Malik et Ammar, etc. Parce que Allah Azzawajal dit, il dit, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et Allah Azzawajal dit, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. La vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Donc c'est une science, c'est une religion. Vous savez, lorsque votre voiture tombe en panne, vous n'allez pas voir un médecin. Vous allez l'emmener chez un mécanicien, n'est-ce pas? La science, c'est la même chose. Si par exemple vous devriez poser votre question, si vous avez une question religieuse, vous n'allez pas la poser à n'importe qui. Mon pseudo, par exemple Al-Qalam, ou un pseudo qui dit Abdullah al-Salafi, ça ne fait pas de lui un salafi, ça ne fait pas de lui un savant. Il y a des gens à qui on devrait poser nos questions. Je pose mes questions à Ibn Taymiyyah 1. Pourquoi? Car les savants le connaissent. Si je ne le connais pas, il est connu chez les savants qu'on connaît. Vous voyez? Donc la science, on l'apprend des gens de science. On n'apprend pas de n'importe qui. De nos jours, des gens ouvrent des salons, surtout ici sur Paltalk, ça a été facilité aux gens pour égarer les gens. Ils ouvrent des salons et ils prêchent au nom d'Allah Azzawajal et au nom de son messager. Et ils prêchent et ils disent que si vous ne suivez pas ceci, vous êtes égarés. Et ensuite, ils accusent les frères qui suivent Salaf Saleh d'égarer les autres. Donc la science, en vérité, on l'apprend des savants. Vous connaissez tous sûrement la parole de Abdullah ibn Sirin. Que cette chose-là, ou cette science, est une religion. Alors faites attention de qui vous l'apprenez. C'est une religion, on devrait faire attention de qui on l'apprend. N'est-ce pas? La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min zalimin. Ensuite, je voudrais rajouter une chose, juste vite fait comme ça, je vais finir. Donc la science se prend de la bouche des savants, les savants qui sont connus. On apprend aussi des talabat al-ilm, les étudiants de sciences islamiques qui sont connus chez les savants. Ça ne fait pas de moi, en tant qu'arabophone, ça ne fait pas de moi une personne ayant la science. Ça ne fait pas de moi une personne savante. Le fait que je connaisse la langue arabe, ça ne fait pas de moi une personne savante. Si par exemple il y a deux salons qui sont ouverts, ce sont deux salons qui sont gérés par deux frères qui sont dans le minhaj, hein. L'un des salons est un salon d'un savant. Il y a un savant qui est en train de prêcher. Pourquoi je vais dans le salon du talib ilm et je ne vais pas dans le salon du savant? Je préfère aller dans le salon de la personne qui a plus de science, n'est-ce pas? Car c'est une religion. On n'a pas le droit de dire des choses ou de mentir sur Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas une chose facile. Le fait, il y a des salons, moi je vise surtout les salons des takfiri, n'est-ce pas? Les salons des takfiri, c'est des gens qui n'ont aucun niveau dans la religion. Ils n'ont jamais étudié chez les savants. Les savants ne les connaissent même pas. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Les savants ne les connaissent même pas. Je viens ici prendre la science de chez, par exemple, Mohamed Chalabi, qui est connu chez, par exemple, Cheikh Firkous, parce que c'est des gens qui sont connus. Je crois que j'ai tardé. La science n'est pas facile à obtenir. Vous savez que les pieux prédécesseurs, Salaf Salih, disaient que la science ne s'obtient pas par la relaxation du corps. Les Salaf Salih, les pieux prédécesseurs, saviez-vous que ils voyageaient, ils quittaient leur ville et leur pays vers un autre pays pour chercher un seul hadith. Pour chercher un seul hadith, ils quittaient son pays, ils quittaient sa ville. C'est ça, apprendre la science. Ce n'est pas avec la relaxation. De nos jours, Allah Azza wa Jalla nous a facilité, car il n'y a pas beaucoup de savants. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah la yantazi'u al-ilma intiza'an min sudur al-ulama wa innama yantazi'uhu biqabdihi li arwahihim fa idha mata al-ulama ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fa aftaw bighayri 'ilmin fa dallu wa adallu. Allah Azza wa Jalla n'arrache pas la science des poitrines des savants comme ça. Soudain, il arrache la science des poitrines des savants. Non, il l'arrache avec la mort des savants. Et lorsque les savants meurent ou commencent à mourir, les gens vont suivre des têtes d'égarés, hein, des gens qui sont égarés, et ces derniers sont égarés et vont égarer les gens. Alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla nous a facilité Internet. Je peux communiquer avec vous, vous êtes en France, le cheikh il est au Koweït, etc. Il y a des gens de qui on peut prendre la science. Il y a des cassettes, on peut télécharger. Même en français, alhamdoulilah, ça a été facilité aux gens. Alors moi je vous dis, n'allez pas dans les salons des autres. Nous on nous dit pourquoi on ne va pas débattre avec eux, c'est des égarés, etc. Mais est-ce que vous avez la science pour débattre avec eux? Nous savons débattre avec... Ils font des répé-livres de ceux qui prétendent être savants parmi eux. Apprenons la science et avançons vers Allah Azza wa Jal. Car la science est très importante. L'imam al-Bukhari, il a un chapitre intitulé, dans Sahih al-Bukhari, dans son Sahih, il a un chapitre intitulé Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science passe avant la parole et l'action. Ahlus sunnati wal jama'a, les gens de la sunna et du consensus, sont étrangers. Ghuraba, ils sont étrangers. On est des étrangers. On est ghuraba. C'est une chose qui est très étrange qu'une personne, à notre époque, suive al-haq. Elle suit le Coran et avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Je finis avec le début. Je finis avec ce que j'ai débuté avec. Ce dont j'ai débuté avec, c'est le fait de prendre la science des savants. Les administrateurs, le fait qu'une personne a un A, regardez. Ça ne fait pas de lui un savant. Vous entrez dans des salons, pour ceux parmi vous qui sont nouveaux, vous entrez dans un salon, vous trouverez une personne qui a le A, le A, l'arobase là. Ça ne fait pas de lui un savant. Ça pourrait être une personne très très ignorante, qui gère un salon, ignorante dans la religion, mais qui gère un salon. Mais il y a des gens qui ont le A, de qui on pourrait prendre le la science. Je prends Allah Azza wa Jal comme témoin que je vous aime tous fillahi Azza wa Jal et que je voulais pas, parce que lorsque je rentre sur Paltalk, dans Paltalk, et je trouve des salons d'égarement, des salons d'égarement, vraiment ça me fait mal, ça me fait mal au cœur. Et je demande à mes frères et à mes sœurs salafis d'être gentils et doux, même avec ceux qui nous contredisent. Parce qu'il y a parmi nous aussi qui disent des choses, des bêtises vraiment, et qui donnent une mauvaise image de l'islam et de la sunna. Vraiment, des bêtises. Yani sans science, ils parlent sans science et ils débattent zama et ils n'ont aucune science. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fik, Cheikh Mohamed, à vous le micro. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Non. Akhina, ya akhana al-qalam, jazakallahu khayran pour ce rappel, inshallah ta'ala, très bénéfique. On aurait voulu que tu ne t'arrêtes pas, inshallah ta'ala, tellement, yani, Inch'Allah ta'ala, yani, ce que tu disais, tellement que ça représente la vérité et la réalité, et tellement que les gens ont besoin d'entendre des choses qui sont basées sur yani, le vrai minhaj et sur le chemin qui rapproche vers Allah subhanahu wa ta'ala, car les gens ont besoin aussi d'entendre na'am, cette vérité d'autres bouches. Quand moi je suis toujours avec eux en train de leur dire la chose, peut-être que certains ne sont pas convaincus. Ils en voudraient l'entendre peut-être d'une autre personne. Naam. Ça se trouve dans toutes les personnes presque. Naam. Moi, il y a beaucoup de personnes dans cette salle. Je leur dis, ittaqullah ala. Ne rentrez pas chez le tkfirin. Ittaqullah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah. Vous risquez des choses. Le virus. Ittaqullah. Vaccinez. Votre vaccin est faible, taqullah, et je les trouve dans la salle. Naam. Ceux-là et celles-là, si Allah Ta'ala les châtie et laisse le virus les toucher, ils doivent se plaindre à eux-mêmes, c'est tout. Naam. Ils ne doivent pas dire pourquoi et ceci et cela. Parce que, comme je crois, il y a un proverbe en ce sens, quelqu'un d'averti, il vaut deux. Un homme averti, on vaut deux. Naam. On vous a dit, attention, c'est un serpent. Attention, il va vous mordre. Et vous vous dites, non, c'est une corde, c'est pas un serpent. Attention, c'est un serpent. Non, c'est pas un serpent. Il est gentil, ce serpent. Ce serpent est gentil. Attendez, je vais le mettre sur mon cou et je vais le mettre, je vais laisser, il va s'enrouler autour de moi. Naam. Laisse-le jouer avec le serpent. Et tu vas voir ce qui va se passer quand tu auras l'aqdallah, le virus, et tu verras combien c'est difficile d'enlever le virus. C'est comme le virus du sida. L'as, il est à l'intérieur du corps. Maintenant, s'il démarre, c'est trop tard. Et déjà, le fait de l'avoir dans le corps, c'est Allah subhanahu wa ta'ala l'afia, c'est très dangereux. Jazakallahu khayran akhan al-qalam. Inch'Allah ta'ala soit de temps en temps avec nous pour nous faire des rappels. On a vraiment besoin. Et maintenant on passe à notre frère et cher frère Abdullah 15 qui vit en Angleterre et qui, Inch'Allah ta'ala, est très ancien dans la da'wa salafiyya bi'illah subhanahu wa ta'ala, et que il va nous faire inshallah ta'ala un rappel profitable bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse cela dans la balance de ses récompenses. Amin ya rabbal alamin. Tafaddal akh Abdullah. السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله شيخنا وبارك الله فيك وزادك الله من فضله، وأسأل الله لي ولك ولجميع الإخوان الحاضرين الإخلاص والمتابعة في الأعمال والأقوال. والله يا شيخ جزاكم الله خير، سافين بوتون كو شي با رونتري يعني سي ابارتوك. Et je vois que Partok a un peu changé. Allah a'ala, peut-être j'y trompe, mais je vois qu'il y a plus de salons de ce genre de gens, qu'Allah nous guide ainsi qu'eux. Lakin, l'histoire est toujours pareille, Cheikh Al-Fadid, Jazakumullah khair. C'est que, يعني, قلت العلم, والتسرع, قلت العلم والتسرع, يدفعان المرء إلى أن إما أن يجادل pour polémiquer avec ces gens، وإما أن يجالسهم بنية أن يدعوهم، وكما يقال أحلاهما مر، نسأل الله العافية. لكن شيخنا جزاكم الله خير، ce que je voulais dire c'est que يعني الإنسان يعني le frère quand il vient ici à Partok يعني il est responsable pour lui-même. Il n'est pas responsable pour les autres. يقول المولى تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Il est responsable pour soi-même et il est responsable de ses proches. Ça c'est le premier but. Tu viens ici pour apprendre. Tu viens ici pour enlever le jahl que tu as sur toi. Tu n'es pas ici pour polémiquer et tu n'es pas ici pour soi-disant essayer de jouer au aux policiers dans les salons. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal il dit وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. قال سلفنا الصالح في تفسير هذه الآية أي لا تجالس أهل الأهواء وأهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. Que les gens de l'innovation et les gens qui polémiquent, ce sont les gens yani que ce verset a été révélé sur eux aussi. Ce n'est pas que juste pour les koufars. Et Allah Azza wa Jalla nous demande de ne pas rester avec eux. C'est un ordre. C'est un ordre. Fa'arid, fa'alu amr, un ordre. On ne doit pas rester dans ce genre de salon. On ne doit pas rester dans ce genre de salon. Pourquoi? Comme le frère Al-Qalim Zahar Al-Akhir, il a bien expliqué, généralement ce genre de frères, ils n'ont pas le bagage, quel que soit le bagage linguistique ou bien le bagage du ilm shar'i, ils n'ont rien à offrir. Ou comme il dit en arabe, faqid al-shay la yu'tah, la yu'tah. Ils ne sont pas connus, ils ne sont pas connus. Et comme le cheikh l'a dit, ils sont contre ses ulama au point où ils kaffarent ses ulama. Et ce qui m'a touché hier, cheikh al-Fadil, il y avait un frère qui est venu me parler en privé. Il m'a dit, c'est un frère, Zahal Khair, il est nouveau dans l'islam. Il m'a dit, Akhi, ça fait un bout de temps que je ne t'ai pas vu, Alhamdulillah, etc. Et puis il m'a dit, je lui ai dit, Alhamdulillah, est-ce que tu assistes au cours de Cheikh Ibn Taymiyyah? Charbi a dit, Masha'Allah, je l'aime bien. Mais, j'aime pas quand le Cheikh parle mal de ces gens. Hakada Qalali. Qali, j'aime pas quand le Cheikh Chalabi, Mohamed Chalabi, parle mal de ces gens et les appelle les tekfiri. Je lui ai dit, tu parles de qui? Il m'a cité quelques noms. Je lui ai dit, Akhi, ces gens que le Cheikh a parlé d'eux, est-ce qu'ils sont vraiment des tekfiri? Oui ou non? Je lui ai dit, yani, juste pour arriver à un point. Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, vous savez que ces gens-là, ils ne kaffarent pas les gouverneurs, mais ils kaffarent les savants, les ulama, et kaffarent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Et ça, c'est un signe des gens de l'innovation. Hali alamat ahl al-bida. S'il n'est pas d'accord avec toi, il te kaffare directement. C'est ça le signe des gens de l'innovation. C'est comme ça que les gens de Tekfir, l'Hijra ou Tekfir, ils étaient avant. Et c'est comme ça les Khawarij avant eux, les descendants, ces gens sont descendus de Khawarij. Alors je lui dis, yani vous n'êtes pas juste. Il dit, comment? Yani vous n'avez pas aimé la parole de Cheikh quand il a dit que ces gens sont Tekfiri, il a averti les gens de ne pas rester avec eux. Et tu dis que les autres sont vos frères, alors que ces gens-là, ils kaffarent pas les gouverneurs, mais ils kaffarent même les ulama. Juste pour voir, subhanallah al-azim, qui m'a vraiment choqué, inna lillahi wa inna ilahi al-raji'un, comment, subhanallah, les gens, à cause de ces shubuhat, ils ont commencé à voir les choses à l'envers. Ils ont commencé à voir les choses à l'envers. Pourquoi? Parce que ces gens, ils n'ont pas commencé où il faut commencer. Et c'est ça ce que je voulais vous parler, juste pour 5 minutes, Inch'Allah, pour ne pas prendre du temps. C'est le tawhid. Donc, le tawhid, c'est le premier devoir et c'est le premier, c'est la première des choses qu'on doit faire. Au temps où le sahaba disait, on apprenait le tawhid avant le Coran. C'est ça l'importance du tawhid. Donc on doit, étant donné on est des musulmans, savoir et connaître le sens de la phrase de la ilaha illallah qui nous a fait rentrer en islam, pour ceux qui sont venus d'une famille non musulmane, et pour nous qu'on a la chance, qu'on est venu dans un milieu musulman, mais peut-être nos parents étaient masakines, des djouhas, ne savaient pas, ou bien que nous, on a pris ça comme en coutume, yani musulman d'un père et un fils. Allah dit, fa'alam annahu la ilaha illallah. Donc on doit apprendre, zakallah shaykhana. On doit apprendre. On ne sera pas jugé le jour du Yom al-Qiyamah. Allah ne va pas nous demander qui a été dans le salon X et Y et pourquoi tu n'as pas parlé. Mais il va te juger sur ta connaissance sur le tawhid. Il va te juger sur ta connaissance sur le tawhid. Ibn Abi Dunya, un grand savant du Salaf, disait, et j'essaie de traduire avec le minimum de français que j'ai, qu'Allah a, s'il y a le frère Al-Qalam, les cheikhs, peuvent me dire, Inch'Allah, faites fadda l'uzakum Allah khair. Il dit, Kharaja ahlu dunya min ad-dunya, walam yadouku atyabu ma fiha. Qila, wa ma huwa, ya Aba Yahya. Qala ma'rifatullahi azza wa jal. Il dit que les gens de cette dunya sont sortis de cette dunya sans avoir goûté yani de la chose la plus bonne et délicieuse de cette vie. Il a dit, les gens qui étaient avec lui, ils disaient, c'était quoi? Il a dit, c'est la connaissance de Allah azza wa jal. Et donc vous avez les salafs, ils ont bien connu que la connaissance de Allah azza wa jal. De plus en plus que tu as plus de connaissances par Allah azza wa jal, de plus que yani, votre iman augmente et en même temps votre espoir augmente, votre peur augmente aussi et votre iman grosso modo augmente avec tout le savoir que tu as envers Allah Azza wa Jal. C'est pour ça on dit que yani, que dhikrullahi Azza wa Jal, dhikrullahi mustalzimun li ma'rifati. On ne peut pas faire de dhikr de Allah Azza wa Jal si nous on ne sait pas quoi dire. Hein? On ne peut pas dire, on faire des dhikr, alors que nous, on ne sait pas ce qu'on est en train de dire. Hein? C'est comme ça. On ne peut pas dire, par exemple, le nom d'Allah Azza wa Jalla sans savoir ce que veut dire le nom d'Allah Azza wa Jalla d'après la sunna et la compréhension du salaf salih. On ne peut pas répéter des choses que nous, on n'a pas bien compris. Comme ça, on ne va pas les vivre avec nos cœurs. Ainsi que shukrullahi Azza wa Jalla, le fait de remercier Allah Azza wa Jalla, il faut aussi l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. On ne peut pas dire que nous, on est des shakirin pour Allah Azza wa Jalla. On remercie Allah Azza wa Jalla alors qu'Allah Azza wa Jalla nous donne de l'argent, il nous donne de la santé, il nous donne tout ce qu'il nous a donné. Alors nous, on désobéit Allah Azza wa Jalla. On dit avec nos langues, Merci Allah, shukran, alhamdulillah, alors que nos actes contradisent nos paroles. Si Allah Azzawajal te donne de l'argent, comment on le remercie en utilisant cet argent pour le bien de ta famille, pour le bien de ce dîn? Si Allah Azzawajal te donne de la santé, tu l'utilises pour adorer Allah Azzawajal. C'est ça le remerciement d'Allah Azzawajal. Hakada yakunu shukrullahi Azzawajal. Kadhalik hakada yakunu dhikrullahi Azzawajal. Quand on fait des dhikr d'Allah Azzawajal, on doit savoir quoi en dire. Aussi, pourquoi on doit savoir le tawhid? Pourquoi on doit savoir le tawhid? C'est pour se rapprocher d'Allah Azzawajal. Pour savoir comment on obéit à Allah Azzawajal. Et de plus en plus qu'on apprend que, par exemple, Allah Azzawajal, c'est lui qui nous donne la provision, c'est lui qui nous donne tout ce qu'on a, on ne va pas demander aux autres, mais on va demander à Allah Azzawajal. On aura de l'yaqin, on aura de tawakkul, hein, sur qui? Sur Allah Azzawajal. De plus, on sait qu'Allah Azzawajal, comme le frère, quand je suis venu, il a parlé que ilmullah, le savoir d'Allah Azzawajal, est partout. C'est le savoir d'Allah Azzawajal partout. Nous, on le savait maintenant, alhamdulillah. Donc, on doit agir. On doit agir sur ce savoir qu'on connaît, qu'Allah Azzawajal, son savoir est partout. Si on est seul, nastashi'il wujud Allah Azzawajal. Ma'ana. On ne va pas désobéir à Allah Azzawajal. Maintenant, on est seul. Je suis dans une salle tout seul. Je ne veux pas dire Allah Azzawajal. Je veux yani, me souvenir que Allah Azzawajal, yani, est en train de me regarder et son savoir est partout. Donc je m'abstrais à ne pas obéir à Allah Azzawajal, à ne pas faire des ma'asiyah. C'est ça le but. Hein? Quand je vois qu'Allah Azzawajal est Rahim, Rahman, quand je suis, par exemple, dans un cas où il faut que je fais bouger, hein, l'espoir, je pense à tout ça. Je pense à tout ça. Qu'Allah Azzawajal Rahim, la aqmat min rahmatillah. Le shaitan, quand il vient pour te dire, khalas, c'est fait, t'as fait beaucoup de signes, même si tu vas repentir, Allah Azzawajal ne va pas, yani te, il va pas te, na'am. Inch'Allah, ribshir, inch'Allah. Il ne va pas, yani, il va pas accepter ta repentance. On va penser à quoi? Au hadith, au verset. Qu'Allah Azzawajal dit, qu'Qul ibadi, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu al-ghafur rahim. Qu'Allah Azzawajal, yani, quand on repentit, il accepte nos repentances tant qu'on a une croyance. Insallallah al-afiya. Quelle que soit cette croyance qui contradit le tawhid, ou bien de riya, le fait, il y a des gens qui viennent pour apprendre, mais ils ne veulent pas apprendre pour eux-mêmes. Ils ne vont pas apprendre pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, mais ils vont apprendre pour se mettre en valeur. Et ça, c'est pas bien, ikhwan, jazakumullah khair. Hein? Ça, c'est du shirk en lui-même. Ça, c'est riya. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Ana » في حديث قدسي يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه نسأل الله العافية صلى الله لنا ولكم الإخلاص والمتابعة في الأعمال والأقوال si on fait un acte, si on fait un acte on associe Allah عز وجل avec nos actes, c'est-à-dire pour se mettre en valeur, pour montrer aux gens qu'on a appris cette surah, on a appris ce hadith, etc. Donc Allah Azzawajal ne va pas l'accepter au jour du jugement, il va le délaisser. Donc il faut de l'ikhlas. Et des fois ce jour de salon, à cause de la polémique, à cause de didal avec eux, des fois un nafs et le shaitan, il te pousse, subhanallah al-azim, à ne pas défendre la sunnah, à ne pas défendre l'islam, mais te défendre toi-même. Au point où il va te pousser à mentir, ou parce que tu ne veux pas, yani, tu veux pas que les gens te voient que tu n'as pas assez de ilm, maintenant tu es en train de débattre avec ce frère. Même si lui, il est sur le mauvais chemin, mais toi, tu n'as pas assez de ilm, tu n'as pas assez de savoir pour le débattre. Peut-être, même si tu as, Allah Azzawajal n'a pas te donné tawfiq pour réussir. Tu vois ce que je veux dire, Ikhwan? C'est pour ça, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, rahmatan wasi'a, quand un des grands imams de l'Ibadiyya, qui est un secte des Khawarij, a voulu demander au Cheikh Ibn Baz de le débattre. Il dit non, moi j'ai pas de doute sur mon dîme, pourquoi Pourquoi débattre? C'est pour ça qu'on voit des gens dont on parle tant depuis que je suis ici. Des fois, ils kuffar al-hukam. Des fois, ils kuffar al-ulama. Des fois, ils défendent les ulama. Des fois, ils kuffar pas al-hukam. Des fois, ils kuffar tout al-hukam. Vous savez pourquoi? Parce que les salafis, ils disaient « Man akthar al-jidal, akthar al-tanakul. » Celui qui fait trop de jidal, qui fait trop de polygamie, il va yani, se déplacer d'un groupe à un autre. Il y a un meilleur. Maintenant, il y a un tekfiri gros calibre. Demain, il sera un tekfiri plus ou moins. Après, demain, il sera un ikhwani. Il voit tout le monde des musulmans. Même les koufars, ils appellent pas, ils les appellent même pas des koufars. Vous voyez ce que je vous dis, ikhwani, zakumallah khair. Pourquoi? Parce que ce niqash, premièrement, il n'était pas sur la sunna. Et en plus, il n'avait pas l'ikhlas. Allah Azza wa Jal nous demande d'apprendre. Ce n'est pas pour polémiquer. C'est pour enlever le djihad qu'on a sur nous. Et c'est pour pratiquer ce qu'on apprend. Ça sert à quoi? Est-ce que Allah Azza wa Jal va vous demander pourquoi vous n'avez pas parlé de X, Y? Non. Il ne va pas vous demander pourquoi vous n'avez pas parlé de X, Y. Il va vous demander qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez fait dans ta vie, qu'est-ce que les gens qui étaient sur toi, c'est-à-dire sur ta commande, comme ta femme, tes enfants, ils ont fait. C'est ça. Pour le reste, c'est de la da'wa. Pour le reste, c'est de la da'wa. Si Allah Azza wa Jalla te donne l'occasion pour parler, tu parles de la sunna. Tu n'es même pas obligé de les débattre. Si Allah Azza wa Jalla te donne la chance, tu parles de la sunna. Tu dis, qala Allah, qala Rasul, qala al-Sahabi, qala al-Alim al-Fulani, et tu sors au khalas, alhamdulillah. Sans les débattre et sans rester avec eux. Parce que shubuhat, comme on dit en arabe, shubuhat ou khattafa. والقلوب ضعيفة. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. Il a donné un conseil à son élève Ibn Qayyim. C'était quoi son conseil? De ne pas débattre. Si qui était con Ibn Qayyim, un grand alim. Malgré tout ça, Cheikh l'Islam a dit de ne pas débattre ces gens. Il a dit que le cœur, il a donné exemple, le cœur est comme une éponge. Le cœur est comme une éponge. Vous les mettez devant ou sur une goutte d'eau, il va l'absorber. Sur le son, il va absorber le son. Sur la santé, il absorbe la santé. Donc, le cœur est comme une éponge. Hein? Et comme le Cheikh Al-Albani, rahmatullah, il a dit à ces gens qui vont dans, qui écoutent les gens de l'innovation ou qui font des débats avec eux, il dit peut-être ils vont te donner une choubha, des doutes. Que personne ne peut l'enlever, qu'un alim. Et puis, des fois, même pas un alim. Et comment vous allez faire, Erwan? Comment vous allez faire? Vous n'êtes pas préparé, vous n'avez pas assez de ilm, vous n'avez pas assez de bagages pour confronter ces gens. Même les ulama, ils les évitent. Ils leur montrent la sunna, khalas. Parce que ce n'est pas toute personne qui n'est pas guidée qu'on doit débattre avec eux. Al-ilm, ils ont divisé. Ils disaient, si c'est un alim qui est sur la mauvaise voie, un moubtadi' ne débat pas avec lui. Tu le montres la sunna s'il veut, sinon ne débat pas avec lui. Si une personne de la masse, ils disent, il y a deux genres de personnes de la masse. S'il est quelqu'un qui veut du bien, quelqu'un qui veut du haq, mustarshid, laisse un muta'alim, et c'est un jahil au sens carré, quoi, jahil murakkab, il pense qu'il connaisse tout. Alors ce genre de personne ne fait pas de débat avec lui. Mais les gens qui ne sont pas sur le bon chemin, mais ils veulent la vérité, vous leur donnez par exemple les paroles de Ahl al-Ilm, sans aller dans un débat, vous les ramenez ici dans les salons si vous voulez du bien pour eux, ils restent ici, vous leur donnez des cassettes, des sites, oh, khalas. Mais si vous rentrez dans leur salon, vous avez tombé dans plusieurs signes. On a dit le verset, Allah je l'ai dit, fa'arid. Fa'arid, il faut les éviter. Hada fa'al amr. Puis, la moindre des choses, même si tu rentres dans leur salon et tu fais mute, écoutez mes frères, tu fais mute, qu'est-ce que tu fais toi? La moindre des choses que tu fais pour eux, tu augmentes leur nombre. Tukhtar misawad al-qawm. Tu augmentes le nombre de Ahl al-Bida'. Nas'Allah al-Afir. Et tu leur donnes d'importance. Et c'est toujours comme ça, surtout au Paltok. Ce genre de gens, wallahi, par expérience, si vous allez les rencontrer face à face, wallah, ils n'ont rien à offrir. Qu'est-ce qu'ils font? Copie-coller ici, à part tant que des sites, ils enlèvent ça, ils mettent ça. Ils sont connés, avec tout ça. Hein? C'est pour ça, avant, hein, les frères maintenant qui sont des grands tekfiris, avant, ils ont même utilisé quelques fatwas de Sheikh Ibn Baz et Sheikh Ibn Uthaymeen pour dire que Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, même eux, ils kaffar les ulama, mais ils ne veulent pas le dire devant tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? On n'a pas besoin de Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, ou bien Sheikh Ibn Uthaymeen. Qu'est-ce qu'on veut? Ils disent, même eux sont des koufars parce qu'ils ont pas fait le tekfir, le koufar ibn Taghut. Comment l'année passée, vous les défendez, vous les prenez comme ulama et comme preuve, mais ils sont des koufars, wa l'ayyadu billah. Lakin, hadi, hikmatullah, fi khalqihi. Comme Shia, qui sont venus après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont commencé à insulter les Sahaba. Quand ils ont venu vers Aïcha, radiallahu anha, en disant qu'il y a des gens qui insultent les Sahaba, qu'est-ce qu'elle a dit à Aïcha, radiallahu anha? Il a dit que Allah Azzawajal, après la mort de ses compagnons, les Sahaba, a voulu que la récompense, le hasanat, ne cessera jamais. Il a mis ces gens pour qu'ils les insultent. Et vous savez bien, qu'est-ce qui va s'arriver à ces gens? Les gens qui insultent les ulama. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي ولي فقد أذنته بالحرب. الله a déclaré de la guerre contre ces gens. Le jour du jugement, hein, الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة, il sera debout avec ces gens. ويقتص من كل واحد منهم. Toute personne qui a insulté le Sheikh, toute personne qui a rendu le Sheikh ibn Baz رحمه الله رحمة واسعة, ou bien Sheikh ibn Uthaymeen, ou bien Sheikh al-Albani, mécriant, il aura des comptes avec Allah عز وجل يوم القيامة. Et c'est ça ce qu'on appelle le muflis, celui qui a rien. Allah Azza wa Jalla va prendre le hasanat de ces gens pour la donner au Sheikh Ibn Baz. Donc c'est d'une façon ou d'une autre, c'est du bien pour ces chiur. Et quand ces hasanat termineront, Allah Azza wa Jalla va prendre les sayyiat que ces chiur ils ont et va la mettre sur ces gens. Wal'iyadu billah, insallah lana wa lahum, insallah an yahdiyana wa yahdiyahum qabla fawat al-awan. Parce qu'ils sont dans un grand danger. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les aide, on rentre dans leur salon. Subhanallah Rabbil Azim. Vous pensez que comme ça vous allez apprendre votre din? Si vous pensez que comme ça vous allez apprendre votre din, Wallahi Akhwan, je vous demande à réviser. Je vous demande à réviser et voir comment, comme l'Akh al-Qanam a dit, que Salafun al-Salih, les grands ulama, ils voyageaient des kilomètres, des milliers de kilomètres pour un hadith. Des milliers de kilomètres pour un hadith. Nous, on a tout ici à Partok. Mais quoi? On ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le tawhid. Si vous n'avez pas le tawhid, si vous n'avez pas le tawhid, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas avoir une base solide pour talib al-ilm. Il faut avoir le tawhid. C'est pour ça que ce que j'ai fait au premier, j'ai dit qu'il faut avoir une base. Le tawhid. Il faut bien avoir le tawhid. Une fois que vous avez le tawhid, le khalis, Allah Azza wa Jal, hein? Il faut avoir l'ikhlas. Comme vous demandez, Allah Azza wa Jalla le demande de l'ikhlas. Et vous commencez à étudier. Vous commencez où Ahlul Ilm ont commencé? Commencez par le Coran. Commencez par les hadiths. Commencez par apprendre par les grands ulama. Ou bien les gens qui sont intermédiaires. Un talib ilm, il est quoi? Il est intermédiaire. Vous n'avez jamais entendu l'akh Sheikh Ibn Taymiyyah Mohamed Chalabi, vous n'avez jamais entendu qui a dit je dis, je pense, jamais. Je ne le dis pas devant lui. Allah subhanahu wa ta'ala est témoin. Et toujours, Cheikh Al-Albani l'a dit. Hein? Cheikh Foulam. Même Cheikh Al-Albani lui-même, quand il donne quelque chose, il dit, Cheikh Ibn Hajar l'a dit, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Voilà. Parce que ces gens, ils n'ont jamais créé une chose de rien. Ils ont toujours un salaf de ce qu'ils ont dit. Ils ont toujours un prédécédent qui a dit ça. Parce que le dîn n'a jamais changé. Le dîn a existé toujours. N'a pas inventé quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que je vous dirais, barakallahu fikoum. Et ce genre de salon, comme les frères me le disent, comme le salon, ça fait un bout de temps que je suis pas rentré, comme le salon de tawhid. Pour eux, le tawhid, c'est quoi? C'est le fait de kaffar les gens. C'est ça le tawhid. Hein? Le fait de kaffar les gens, vous avez le tawhid. Masha'Allah, tabarakallah. La dernière fois, j'ai vu un frère qui vient de se convertir en islam. Il leur dit, si tu ne kaffes pas, tu n'es pas un musulman. Masha'Allah, tabarakallah. Yani, pour être sauvé au jour du jugement, tu kaffar sans bouger. Ansar al-Tawhid. Hadou Ansar al-Tawhid. Nassar Allah al-Afiyah. In kan ha'oulai Ansar al-Tawhid. انا لا اعرف اي توحيد يدعون اليه، لا اعرف لاي توحيد يدعون اليه. توحيد الطالبان، ها، توحيد الطالبان، توحيد التبرك باللباس الذي جاء به مولى عمر والطالبان يتبركون عن هذا والتوحيد، لا ابدا. وانما التوحيد الخالص، نعم، هذو اعداء التوحيد، سون دي زاني من التوحيد. والله je vous le dis, wallahi اشك فيهم وفي دينهم. C'est pas moi qui le dis, mais comme le Cheikh Al-Albani l'a dit, wallahi j'apprends de lui. Cheikh Al-Albani a dit اشك فيهم, ou c'est vrai, il a des doutes sur ces gens. Il est impossible, il y a un musulman qui rend des gens mécriants comme ça, yani rapidement. Au point où j'ai entendu Cheikh Ibn Taymiyyah la dernière fois, il a dit, vous dites, laïsa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufri alayh. Il a dit, vous avez renversé cette qa'ida. Il a dit, normalement, s'il fait un kufr, il est un kafir, hein, il est un kafir, jusqu'à le temps qu'on peut prouver qu'il n'est pas un kafir. Masha'Allah. Au point où il ne faisait pas la salat devant les gens, à moins qu'il les teste. Si ce n'est pas la croyance des khawarij, je ne sais pas de quelle croyance on parle. Il est où, Père Eddemma? Il est où tout musulman est musulman jusqu'à où on trouve qu'il n'est pas un musulman? Il est où les conditions, hein, et les barrières de tekfir? Ces gens ne connaissent même pas ce genre de choses. Ces gens, ils sont dans le couvre eux-mêmes, ils ne savent pas. Ces gens, ils sont dans des maisons où ils ont le couvre. Pour eux, le kufr ou le tawhid, tout ça, il va sur le hakimiyya. Sur le hakimiyya, hein, qui juge que par. Nous aussi, on dit. Nous, on le dit. Et on le répète. On ne dit pas au gouverneur seulement, mais on dit à tout le monde. Allah, il dit Waman. Waman, l'il'umum. C'est pas le hakim, mais l'il'umum. Toute personne qui juge entre deux personnes, il devient un gouverneur. Comme Cheikh Ibn Taymiyyah l'a dit, d'après Sahaba, radiallahu anhum, Allahum. Toute personne doit juger par le livre d'Allah, sawajal. Toute personne, quel que soit hakim, mahkoum, fille, garçon, noir, blanc, quelconque, arabe ou non arabe, toute personne, wa man lam yahkum. C'est pas juste le gouverneur. Et savez-vous bien une chose, ikhwan izakum Allah khair, que Allah azza wa jalla nous a pas donné ce genre de gouverneur que parce qu'on est loin de l'din. Kama takounu, comme le salaf disait, yawalla alaykum. On récolte ce qu'on a fait. Nous, on n'est pas un peuple, on n'est pas un peuple qui est pieux. Donc Allah Azza wa Jalla va nous donner ce qu'on mérite. Hein? Allah nous donne ce qu'on mérite. Comme les gens qui sont venus envers Ali radiallahu anhu, ils disaient, regarde au temps de Omar et au temps de Abu Bakr, ils avaient comme ça, ils étaient comme ça. Il va dire, au temps de Ali, Abu Bakr et Omar, nous on était des ra'iyas, nous on était leur peuple. Les gens comme Ali radiallahu anhu wa Allah. Mais maintenant, vous êtes mon peuple. Vous êtes ra'iyya. Comparez ces gens à Ali, radiyallahu anhu wa arda'ah. L'islam n'est pas juste al-hakimiyya. Hein? L'islam n'est pas juste man lam yahkum bima anzallah. L'islam n'est pas juste Afghanistan pour dire le djihad et pour ramener en force les ennemis envers les pays de musulmans. Ils essaient de faire du bien pour les musulmans. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait pire. Ils ont arraché ces koufars contre les musulmans. Ils donnent l'occasion à ces koufars, hein, pour détruire les musulmans. Qu'est-ce qu'on a gagné? Rien. Hein? Au point où les musulmans, hein, peuvent pas adorer Allah Azza wa Jal comme il faut, même pas dans leur pays ou dans les pays de Kuffar. Hein. Nos sœurs ne peuvent pas mettre le voile comme en France. Peut-être ici en Angleterre, les sœurs, ils ont commencé d'essayer de ne pas laisser les sœurs mettre le niqab, etc. Tout ça, c'est à cause de qui, ikhwanizakum Allah khair? C'est à cause de qui? C'est à cause de qui? C'est à cause de ces gens qu'ils n'ont pas compris le dîme. C'est à cause de ces gens. Nassallallahu al-afiyah. Je ne sais pas si le frère Cheikh Ibn Taymiyyah il est parti. Lakin, ikhwan izakum Allah khair. Prenez ce conseil, pas parce que, ou bien vous pensez qu'on est pieux que vous. Abadan, jamais. Jamais. On n'est pas pieux que vous, on n'a pas plus de savoir que vous. Mais on peut dire qu'on a plus d'expérience parce qu'on est plus âgé que vous. Hein? Prenez ce conseil, étant donné que je suis un grand frère qui est plus âgé que vous. Voilà, c'est tout. Prenez ce conseil de ce côté. Wallahi, on a vu ces gens depuis X temps, depuis 30 ans, et c'est toujours la même chose. Et vous allez voir, le temps change, hein? Et les gens avancent, et eux restent toujours dans la même chose. Ou bien, ils sont pires, ils commencent par kafar les hukam, ils terminent par kafar tout ce qui bouge, comme Jama'at l'Hijra ou Takfir, ou bien ils vont délaisser tout, ils vont délaisser même la salat. Et ça, c'est l'expérience qui va te dire ça. Et vous allez voir. Et celui qui a une petite expérience ici, c'est partout qu'il peut le voir. Et comment ces gens, ils tournent. Ils étaient ensemble, hein? L'un ne kafar pas les ulama, maintenant l'autre il kafar les ulama, mais l'autre il trouve des excuses pour les chouyours. Ils disent que les ulama sont des. Ils disent que les hukam sont kuffar parce qu'ils ont utilisé la démocratie, alors que leurs chouyours, hein, demandent au gouverneur de les laisser entrer dans le parlement qui est basé sur la démocratie. Quand vous dites pourquoi vous ne kafar pas votre shir, il dit non, le shir il a des barrières qui nous empêchent à le kafar, mais le hukam ils n'ont pas des barrières. Voilà ce que je veux dire, ikhwan jazakum Allah khair, hein? Il commence à jouer avec des mots, il commence à changer et il commence à mentir, wal'iyadu billah. Donc fais attention, ikhwan jazakum Allah khair, mes frères et sœurs, fais très très très très très très très attention à ces gens. Ma al-asaf al-jadid, je ne dis pas chaque personne d'entre eux, mais en général, ma al-asaf al-jadid, ils sont toujours des menteurs. Même si ce n'est pas eux, c'est lui qui a traduit. Hein? Même s'ils ne sont pas eux. Wallah, par expérience, vous demandez au frère Qalam. Ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière. Il ramène des textes de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, rahmatul masiha. Et ça ne fait même pas 2 jours, pour vous dire la vérité, 2-3 jours. Il dit, « Wa qala Cheikh al-Islam, wa hada ijma'a, etc. » Je lui dis, « Akhi, il est où l'ijma'a ?» Et oui, l'ijma'a. Il m'a dit, « Non, non, je m'excuse. » Il m'a dit, « Tu as dit Cheikh al-Islam ?» Voilà Cheikh al-Islam ce qu'il a dit. Je lui ai lu directement du livre. Il m'a dit, « Moi, j'ai dit Cheikh al-Islam, je m'excuse. » Voilà ce que je veux dire. Il a dit l'ijma'a. Puis l'ijma'a n'existait même pas. Puis il a dit Cheikh al-Islam. Alors Cheikh al-Islam, il n'a jamais dit ça, il a dit le contraire. Voyez ce que je veux dire, ikhwan jazakum Allah khair. Alors fais attention, barakallah fik, à ce genre de gens. L'ilm, comme le frère Al-Qalam a dit, hein, l'ilm, le savoir est une religion. Quand on tombe malade, on demande qui est le meilleur docteur. C'est vrai, ikhwan, hein? Quand on tombe malade, on demande le meilleur docteur. Hein? Alors, ça, si on parle du corps, qui est important? L'âme ou le corps? Bien sûr, c'est l'âme. C'est le savoir et c'est pour l'âme. Aux premières étapes. Donc, et nous, quand on tombe malade de l'âme, hein, on demande, on prend le rythme de n'importe le qui. Pourquoi? Parce que, on n'a pas assez de foi. On n'a pas assez de foi. On n'a pas assez d'engagement pour aller loin, pour chercher le rythme. Hein. On peut rester dans des salons pour polémiquer, pour faire le didal. Une fois que tu commences à parler, qu'al Allah, qu'al Rasoul, qu'al Sahabi, tout le monde qui sort. Mais les salons où il y a des trucs comme ça, ils sont toujours pleins. Pourquoi? Parce que l'âme, parce que nefs, ou plutôt, nefs elle aime ce genre de choses. Nefs amara bisso, un shaitan qui entre et qui vit tout ça entre musulmans. Tu sors, t'as rien appris. Tu sors, t'as rien appris. Hein? C'est comme ça que tu juges le salon. Comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, c'est comme ça que tu juges le alim. C'est ça que tu juges le shir. Tu sors de lui, est-ce que tu as appris quelque chose? Qu'est-ce que tu as retenu quelque chose? Si tu as retenu, alhamdulillah. Maintenant, vous demandez. Chaque personne demande à soi-même, est-ce que vous avez appris quelque chose avec le Cheikh Al-Chalabi? Hein? Il n'y a que vous que vous pouvez répondre à votre question. Si vous avez appris quelque chose, si vous avez avancé en din, alhamdulillah, vous êtes dans le bon chemin, inshallah. Si vous n'avez rien appris, donc il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Et l'ilm taqil, le savoir est lourd aussi. Hein? C'est pas si facile. Vous avez le nefs, hein? Vous avez le shaitan, vous avez la dunya qui vous empêche à apprendre. C'est pour ça que le neuf, ça vaut toujours quelque chose de facile. Hein? Moi aussi, je veux rentrer dans des salons pour rigoler. Hein? Mais ce qui est bizarre, c'est que les gens, ils viennent en partant, qu'ils appuient à Islam, ils ouvrent des salons, et ils deviennent des clowns. Et je trouve ça vraiment une preuve que leur iman est vraiment est bas. Parce que تعظيم شعائر الله ها؟ تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. يعني celui qui donne de l'importance aux شعائر d'Allah عز وجل est une preuve qu'il a de la croyance, il a de la crainte dans son cœur. C'est tout simplement. Si vous êtes sérieux dans votre din, vous avez avancé. Vous avez l'ikhlas, vous allez apprendre. Allah Azza wa Jalla dit, le Nabi Sassam dit, Man yurid Allahu bihi khair yufaqihu fi din. Si Allah veut du bien pour toi, il va te faire apprendre, il va te faire comprendre votre din. Ah, wa din Allahi nurun, comme a dit l'imam Shafi'i, wa nur Allahi la yu'tahu 'asi. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est facile. Si vous avez de la foi, vous avez de la sincérité. Wa anta sadiq bi niyyatik. Hein? Que vous voulez apprendre le din, Allah va vous faciliter. Et vous allez apprendre. Hein? Vous allez apprendre parce que vous avez une bonne niya. Vous allez apprendre pour enlever le djihad sur toi, pour faire le da'wa. Pas pour toi. Tu ne fais pas le da'wa pour un salon. Hein? Tu ne fais pas le da'wa pour un secte. On n'a pas un secte. On est des musulmans. On est là, alhamd. Tu fais le da'wa pour Allah Azza wa Jal. Tu fais le da'wa pour l'islam. Tu fais le da'wa pour enlever. Hein? Ra'it la ilaha illallah. Tout simplement, vous êtes des jeunes, frères et sœurs, prenez soin de votre temps. Wallahi, vous serez responsable et vous serez jugé. Moi, je ne dis pas que j'ai 60 ans, mais je vois qu'il y a une différence, le temps où on était et le temps où on est maintenant. Maintenant, alhamdoulilah, vous rentrez au paltok, vous avez les chouyours, les numéros, Cheikh Talbi vient chez vous pour vous faire apprendre. Wallahi, au temps où je me rappelle, on avait un seul livre qui est un résumé de Sahih al-Bukhari que je l'ai devant moi. J'ai demandé aux frères de les envoyer du bled. Et on compilait les hadiths. On n'avait pas même pas un livre pour lire les hadiths de Sahih al-Bukhari. Un tout petit livre dans toute la mosquée. On avait des petits livres, on écrit ces hadiths pour qu'on puisse l'apprendre, pour qu'on puisse lire les hadiths. Un livre qui est Mukhtasar, petit livre qui fait la tournée autour des frères. Maintenant, Allah alhamd, vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez tout, Oulilalhamd. Vous pouvez appeler les chouyours, vous pouvez venir ici pour appeler, vous pouvez aller dans des sites, Oulilalhamd, salaf, qui sont sur la bonne voie pour apprendre votre dîn. Vous avez des frères, les gens, Oulilalhamd, il y a plus de gens qui veulent le savoir, etc., etc., etc. Donc vous n'avez pas d'excuses. Et vous êtes jal, Oulilalhamd. Allez, prenez soin de votre temps, prenez soin de votre dîn. Hein? Prenez soin de soi-même, prenez soin de votre famille. Moi, je me demande comment un frère musulman, hein, je ne parle pas des frères musulmans, je vais vous générer un frère musulman qui a quelque chose dans sa cervelle qui vient pour écouter des gens dans les salons de tawhid, des gens tekfirés. Wallahi, je m'excuse et je ne veux pas yani, être vulgaire ou l'ayadu billah, mais je vois que ça, que c'est un peu bizarre. Quelqu'un qui a appris le tawhid, quelqu'un qui a écouté les ulama, quelqu'un qui a écouté les ulama, quelqu'un qui a des chiures qui vient ici, il laisse et délaisse tout ça pour aller dans ce genre de salon. Allah, c'est une catastrophe. Pour vous dire la vérité, on est responsable et on sera responsable et c'est une part de temps. Lakin, le problème c'est que quand est-ce on va se réveiller et est-ce qu'on veut on va se réveiller et quand est-ce on va se réveiller. Nasallahu al-afiya wa asallallahu an yu'allimana ma yanfa'una wa yanzilna ilma wa anzaqna wa iyyakum al-ikhlasa wa al-mutaba'a fi al-a'mal. Et je vois que le cheikh est parti. Akhir Qana, vous êtes ici, akhir barakallahu fik. Le cheikh est revenu. Hayyakum Allah, zakum Allah khair, wa barakallahu fikum. A'lamu ya ikhwan. A'lamu. Je le dis. Et je le répète. Wallahi. Et je le dis. Et je jure par Allah Azzajin que je ne suis pas ahlan de ce genre de choses. Lestu ahlan an ulqi hadihi al-kalima. Ah? Wa ashhadu. Je ne suis pas أهلا أن نلقي هذه الكلمة وإنما هذه نصيحة لي ولكم un conseil pour moi au premier à mes frères et sœurs لست أتقاكم ولا أعلمكم ولا أقول هذا تواضعا صلى الله لنا ولكم إخواني جزاكم الله خير الإخلاص والمتابعة حيا الله شيخنا والله هؤلاء الناس دمروا العباد والبلاد ما سلم منهم أحد la dernière fois le frère il dit il a dit à un tekfiri, il a dit, mon frère, ceux qui ont commis les bombes en Algérie, ils sont des gens de la Qaïda. Et ce frère, un francophone, il a dit, oh, vous n'avez pas de savoir. Voilà un site, lis-le, et vous allez savoir. Quand vous rentrez dans ce site, Ikhwan, jazakumullah khair, c'est en arabe. Le frère, ce n'est pas une propre pour lui. C'est un francophone. Même celui qui a donné le site, c'est un djahil comme lui. Quand vous rentrez dans ce site, la première des choses, ils disent « Walahmudullaha ala hadihi al-amaliyat al-mubaraka » Ils appellent comment ils appellent l'amaliyat hadi, qui sont les amaliyat mubaraka. Je suis cette bombe al-hadou. Ils appellent Mubaraka. Ça, c'est suffisant pour dire que ces gens sont à 100% d'accord de ce qui se passe en bled. C'est pas les gouverneurs, mais maintenant, ils tournent vers qui? Envers le peuple lui-même. Parce que le gouverneur n'est pas touché. Qui est touché? C'est le peuple. Donc les gens doivent se réveiller. Les attentats, Zakman Lachin, bénisse Zakman Lachin. Hein? Et naam. Zakumullah khair, les kamikazes, naam. Maintenant, c'est le peuple qui est touché. Et Juan, les sentiments, on les laisse à part quand on parle du din. Surtout si on n'est pas touché. Ils viennent, nous, on veut du bien. Ils commencent à te dire, oh, regarde ce qu'ils ont fait, les hukam. Nous, il va te faire savoir que les frères salafis, ils sont 100% d'accord avec ce genre de gens. Et c'est eux qui se portent. Le hukm bagayri ma anzal, tout ça c'est du mensonge. Abadan. Jamais. Nous, c'est pas juste le hukm avec le gouverneur ou le gouvernement. Mais nous, on demande à tous les gens, comme on a dit, quel que soit l'acte, qui est grand ou petit, même pour une petite sunna, que les gens l'appliquent, ainsi que le gouverneur. Et si le gouverneur fait quelque chose de mal, nous, on n'est pas d'accord avec lui. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. On prend par sa main, si on peut, pour lui donner des conseils. S'il l'entend, s'il l'écoute, alhamdulillah, s'il n'écoute pas, qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il n'a pas dit rebeller contre lui. Il a dit faqad addayta ma alayk, t'as fait ce qu'elle a été un devoir envers ce hakim. Il y a autre hadith dans Sahih Muslim. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si vous voyez quelque chose que vous détestez dans votre hukam, il n'a pas dit prendre vos épées et commencer à les tuer, ou bien les rendre mécrions. Non, il n'a pas dit ça. Il dit patienter. Il a dit patienter. Hein? Il est patienté. Et détester ses actes. Si on voit que le gouverneur a autorisé un riba, non, on déteste le riba. Si on voit que le gouverneur a autorisé l'alcool, non, on déteste l'alcool. Si on voit que le gouverneur a autorisé la musique, non, on déteste la musique. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit kafar al-hakam, ou bien on va rebeller contre lui. Pourquoi? Parce que nous, on veut du bien pour le din, on veut du bien pour cette umma. Si on le fait, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, Rahmatin Wasi'a, il a dit que de révolte, que tout, dans toute l'histoire de notre Oumma, il n'y a pas une personne ou un groupe qui a révolté ou rebellé contre le gouverneur, il y a du bien qui est sorti de ça. Jamais. C'est Cheikh l'Islam qui le dit. Il n'y a pas du bien qui sort de ça. Abadan. Abadan. Abadan, ya ikhwan, jazakumullah khair. Donc un salafi qui est sur le manhaj de salaf, c'est pas un secte ici pour on appelle à X, à Y. On appelle le manhaj qu'Allah Azza wa Jalla dit, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. Et si vous croyez comme eux ils ont cru, c'est qui? C'est le sahaba. C'est ça le manhaj du salafi. C'est d'être patient. Comme Ibn Omar, Ibn Abbas était patient avec le hajjaj, qui a tué les sahaba, qui a tué les tabi'in, qui était un tarant. Est-ce qu'ils sont rebellés contre lui? Jamais. Est-ce qu'ils étaient d'accord avec lui? Jamais. Mais ils patientaient parce que c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a demandé de patienter. C'est parce que c'est le prophète Azza wa Jalla qui a leur demandé de patienter. Au temps de l'Hajjaj, et je termine avec cette histoire, Zakumullah khair, ils sont venus vers Al-Hassan al-Basri. Ils disaient, on veut révolter, rebeller contre l'Hajjaj. Il veut une fatwa. Et comme l'habitude de ces tekfiri, de ces khawarij, si vous êtes d'accord avec eux, ils vont vous mettre sur leur tête. Si vous n'êtes pas d'accord, ils vont vous appeler un jahil, un kafir. Al-Hassan al-Basri, il a dit, patientez. Eux, ils n'ont pas aimé ça. Puis il a dit, patientez, si c'est un châtiment d'Allah Azza wa Jal, et qu'un had adab, qu'Allah Azza wa Jal a mis Al-Hajjat comme châtiment pour vous, vous ne pouvez pas pousser ou combattre le châtiment d'Allah Azza wa Jal. C'est vrai. Et si c'est un ibtila, un test, patientez jusqu'à yaqdi Allah amra, que Allah Azza wa Jal finira ce test. Le test aussi, on doit patienter. Ils sont sortis de la maison de Hassan al-Basri en disant que vous pensez qu'on va obéir à ce l'ijl. L'ijl, c'est un nom pour un nom arabe, kafir, l'ayyadu billah. Ils n'ont pas changé. Ces gens, des gens sont toujours avec nous. Jusqu'au temps, vous sortez avec le Messie al-Dajjal, l'ayyadu billah. Et puis, il a fait une petite khutba, Al-Hassan al-Basri, en disant que Allah Azza wa Jalla ne nous a pas mis Al-Hajjaj ibn Yusuf, c'est à cause de nos signes, parce qu'on est loin du din. Donc, si on veut résoudre le problème, si eux veulent vraiment du bien pour cette Ummah, il faut voir, hein, il y a des milliers de gens, non, des milliers de gens, des milliards de musulmans, wal'ayyadu billah, qui sont sur la mauvaise voie. Ou bien, ils ne pratiquent pas, ou bien ils les pratiquent sur un minhaj de Ahl al-Bida. Les gens qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal, il y a le sihr, hein, il y a l'istirata bi ghayrillah, etc., etc., etc. Et nous, bi fadlillah, bi tawfiqillah, on peut changer ces gens, si Allah Azza wa Jal le veut. On a un voisin, on a un cousin, mais nous, on ne fait pas tout ça, qui est, soi-disant, qui est plus ou moins facile, qui est dans notre main. Et on voit des choses qu'on ne peut rien faire, que juste parler. Depuis X temps, ces gens, ils font quoi? Ils ne font que parler. Kaffar, kaffar, badda', je ne sais pas quoi, sortir, rebeller, révolter, ils sont toujours ici à Paltok, ou ils sont toujours au Blad, hein? Eux-mêmes ne pratiquent pas l'islam bien. Eux-mêmes ne pratiquent pas l'islam. Au point où ils commencent à se moquer des frères salafis, sans se rendre compte, ils se moquent de la sunna. En disant, oh non, les frères salafis, ils connaissent que Nisf al-Saq. Bien sûr, alhamdoulilah. Et ça, c'est une insulte. Au contraire, c'est quelque chose de bien. Ils connaissent que de la barbe. Alhamdoulilah. C'est wajib. Sunnat Allah, il fait khalqih. Ils connaissent que le siwak. Alhamdoulilah. Le Nabi Sassim, il a dit, il était sur le point de le rendre un devoir. Ils connaissent que ça, alhamdoulilah. Ils n'ont même pas avec quoi nous insulter. Ou bien du mensonge, ou bien nous insultent avec la sunna. Au fin de compte, ils ne t'insultent pas. Ça m'a l'affaire. Quelqu'un te dit qu'on connaît que lui, celui-là ne connaît que Nesfessar. Alhamdoulilah. Au moins, c'est une sunna. Vous voyez ce que je vous dirais, Khwan Izakum Allah Khair? Faites attention, barakallah, que vous êtes jeune. Apprenez votre dîme. Apprenez votre dîme. Ou bien direct des ulama, ou bien de ceux qui sont intermédiaires des ulama qui sont connus. Il n'y a pas une chose, un alim n'est pas connu. Attention, et ça c'est un point qui est très très très très très important. Ils ne disent pas, notre ulama sont en prison, ils ne sont pas connus. S'ils ne sont pas connus, ils ne sont pas des ulama. C'est pas moi qui le dis, c'est Cheikh l'Islam qui le dit, c'est l'imam Suyuti qui le dit, c'est Cheikh l'Albani qui le dit, et autres ulama. Pourquoi? Même l'imam Malik rahimahullah l'a dit. Parce que tezkiya wajiba pour un alim. Pour qu'il soit un alim, comme Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah dit, il faut être connu par un autre alim, connu par les gens comme un alim. Ainsi que lui-même, Suyot, il a dit, et si un alim qui n'est pas connu, il est à l'origine, il est quoi? Majhoul. Et quelqu'un qui est majhoul, on ne prend pas du ilm de lui. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas du ilm, même s'il a du ilm. Mais pour nous, il est un majhoul. Personne ne va venir pour te dire, suivez le haq. Mais connaissez le haq, vous connaissez les gens du haq. Je suis d'accord. Mais pour les gens de la masse, comment ils vont connaître le haq? On peut dire ça pour tous les groupes. Un chiite, il a un peu de haqq avec lui. Même le shaytan lui-même, il a du haqq avec lui. Le shaytan, il a du haqq, comme le Nabi Sallam dit, sadaqaka wa huwa kadhoub. Il a dit du haqq, c'est vrai. Parce qu'on peut dire on écoute le shaytan, ou bien on écoute les gens des chiites, ou bien on écoute les moubtadi'a. Ils disent non, parce qu'ils sont connus. La même chose, donc ils sont connus comme moubtadi'a, on ne prend pas du ilm d'eux. S'ils ne sont pas connus, nous on ne va pas les taquiner, on ne va pas dire quelque chose de mal sur eux, mais on ne va pas prendre du ilm d'eux, parce qu'ils ne sont pas connus. Parce que c'est un risque. Nous on n'est pas ici pour risquer notre din. L'ilm est un din, est un savoir. Si un docteur n'est pas connu, hein? Il ouvre, il dit, je suis un docteur. Il n'est pas connu. Tu dis, non, je ne veux pas l'approcher. Je ne sais pas où il a appris, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, etc. Il peut être un docteur mieux que l'autre docteur. Mais s'il n'est pas connu pour toi, il est inconnu, donc il n'est pas un docteur. Voilà, ikhwan, jazakumullah khair. Et comme ça, et qu'il a terminé, Cheikh al-Albani, rahimahullah, dans sa cassette. Il dit à ses jeunes, et Cheikh l'imam, imam d'Al-Hijr, imam Malik, rahimahullah, il disait, la yuftaw Malik fil Medina. Il disait, qu'il a attendu 70 de ses ulama pour lui donner la tazkiya, pour qu'il puisse donner la fatwa. Had al-Imam Malik. Il leur dit, et s'ils ne t'ont pas donné la tazkiya, il y a le feu vert pour donner la fatwa, vous auriez dû la donner quand même. Il dit non. C'est pas comme ça, yakhwan, jazakum Allah khair. C'est pas comme ça, barakallahu fikum. Yani, l'ilm hada, c'est comme un arbre. Il n'y a pas une branche qui vient tout seul. L'ilm hada yuhmal. Il vient, on le transporte. X, de Y, de Z, de A, B, C. C'est ça l'ilm. L'ilm riwaya. C'est pour ça que vous ouvrez le hadith, vous trouvez un fulan, haddatana fulan, qala fulan. Même le Coran est une riwaya, subhanallah, rabbil azim. Il n'y a pas un ilm qui vient comme ça tout seul. Même ceux qui disent Cheikh al-Albani n'a pas des chouyouch, celui qui ne connaît pas Cheikh al-Albani, rahimahullah. Même Cheikh al-Albani, tout le monde a des chouyouch. Tout le monde a appris de quelqu'un, subhanallah, rabbil azim. C'est comme ça qu'on apprend l'ilm. C'est comme ça qu'on apprend. C'est ça l'ilm. Hada l'ilm. Hada huwa l'ilm, ikhwan, jazakum Allah. Yuhmal. On le transporte. Donc, fais attention, ikhwan, jazakum Allah, khair. Mes frères et sœurs. Et prenez soin de votre temps. Wallahu ta'ala. A'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله. فيه صوت. Est-ce que vous m'entendez, inshallah? Ah, الحمد لله. أخانا الكريم بارك الله فيك. شيخ عبد الله جزاك الله خيرا. C'est notre frère qui nous faisait un rappel d'Angleterre. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. Un ancien frère qui a 25 ans, 30 ans dans la da'wa, mashallah. Ce n'est pas comme les nouvelles têtes, les têtes de serpent qui ont fait apparition sur le paltok, qui n'ont jamais été à l'école. Ils ne connaissent du Coran qu'un verset et des hadiths, un demi-hadith, et qui sont là dans le paltok, assis derrière le PC, en train de donner des gens, de les enfler. Il faut tuer, il faut faire des bombes, il faut... C'est ça l'islam. Au nom de l'islam, si au moins ils parlaient de leur nom. Parle au nom de ton nom, Malish. Mais pas au nom de l'islam. L'islam qui est descendu d'Allah subhanahu wa ta'ala. On vient sur le paltok, on s'assoit derrière le PC avec de je ne sais pas quoi, des jus de fruits, on est assis là, la personne ne nous connaît, on commence, comme a dit l'autre, copier-coller. Copier, je copie des sites et je pose dans l'affiche. Là, c'est ça le ilm. Voilà, je suis devenu un grand alim. Masha'Allah aliya, comme c'est facile. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Il a dit la science vient en apprenant, c'est pas en faisant des copier-coller. Non, c'est en apprenant, en suant, hein, en restant des années avec des chouyoukhs qu'on apprend. Ce n'est pas j'ouvre un livre comme font les takfiris. Il ouvre un livre et il t'explique. Comme ça, il ouvre un livre et il t'explique comme il veut. C'est voilà ce que j'ai compris moi, donc c'est ce que Allah Ta'ala a dit. Je vous ai dit toujours, le grand takfiri Faslul Khitab, le grand takfiri de Ansar Tawhid, peut-être Abdullah n'a pas entendu ça. Il est venu dans cette salle défier que quoi? Qu'en islam, on peut se marier avec sa mère. Allahu Akbar. On peut se marier avec sa mère si elle est esclave. A'oudou billah min shaitan rajim. Ma'ad Allah, ma'ad Allah. Pourquoi? Il a compris le hadith, il est dans le Bukhari. Il a compris un hadith comme il a voulu lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que des signes de la fin du monde, c'est que la femme accouche de sa maîtresse. Lui, il a compris donc de là qu'on peut, l'esclave, c'est-à-dire pour se marier avec sa mère. Allahu Akbar. Je lui ai dit, écoute, Takfiri, écoute-moi, Takfiri. Ce hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça, qui a dit que la femme va accoucher sa maîtresse à la fin du monde. C'est l'un des signes. Mais, qui l'a expliqué comme ça? Qui l'a expliqué comme toi? Qui a compris comme toi? Donne-moi quelqu'un qui a compris comme toi. Je lui ai dit, Ibn Hajr al-Asqalani, le meilleur qui a interprété Sahih al-Bukhari, a, dans ce hadith, a donné 8 ou 9 sens à ce hadith. 8 ou 9 sens. Voilà les ulama, ce qu'on dit, ce qu'on compris dans le sens de la femme va accoucher de sa maîtresse. Mais aucun n'a dit va épouser sa mère. Subhanallah. Comment tu tires comme ça des choses de ta tête? Tu expliques comme tu veux. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Tayyib. Je vais donner, inshallah ta'ala, si mon frère Al-Qalim accepte, je vais une fois la parole pour nous donner, nous expliquer un peu, nous parler un peu du minhaj et nous faire un peu de. Yani, comment on appelle ça? Attendez, je cherche une mise en garde contre les salons dangereux qui donnent le virus. Les salons dangereux, virus du takfir et du khalidisme. Et du khalidisme, avant cela, beaucoup ont demandé quels sont mes horaires. Quels sont mes horaires? Mes nouvelles horaires? Je dis, bi'idnillahi azza wa jal. Chaque samedi, à peu près, c'est à 21h. 21h chez vous, c'est 23h chez moi, c'est beaucoup. À peu près à 19h30, 20h en France. Chaque samedi à 19h30, 20h en France, un dars sur. Rappelez-moi, qu'est-ce que je fais le samedi? Le samedi, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire? J'ai même oublié qu'est-ce que je faisais le samedi. Samedi, Aqida Wasitiya. Naam, Aqida Wasitiya. Samedi. Ensuite, jeudi, chaque jeudi. Sahih al-Jama'a, Sheikh al-Albani. On apprend les hadiths et leur sens. Et, là, pardon, mercredi, j'ai oublié. Bon, je répète. Samedi, Aqida. Mercredi, hadith. Et jeudi, fiqh. Aqida, c'est très, très, très, très important. Celui qui ne connaît pas la Aqida, il est en train de perdre son temps et il sera questionné le jour du jugement dernier, ce sera très grave pour lui. Il a été créé pour connaître la Aqida. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns que pour m'adorer. M'adorer, que veut dire ici m'adorer? Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit yuwahhiduni, ay pour qu'il fasse mon unicité. Et faire l'unicité, c'est quoi? C'est la Aqida. Comment je peux faire l'unicité? J'ai jamais appris la Aqida. Écoutez, ya ibadallah, écoutez. Allah Ta'ala qui nous a créés, on ne le connaît pas. Je vais parler, moi, de djihad et je ne sais pas quoi. Allah Ta'ala qui m'a créé, je ne le connais pas. Allah Ta'ala a des noms. Moi, j'ai des noms. Je m'appelle Mohamed. Toi, tu t'appelles Ali. L'autre, elle s'appelle Aïcha. L'autre, elle s'appelle Khadija. Allah Ta'ala, quels sont ces noms? On connaît ces noms. Que veut dire chaque nom? Que veut dire l'Afour? Que veut dire Rahman? Que veut dire Rahim? Que veut dire. Les noms, que veut. Quels sont ces attributs? Allah Ta'ala s'est décrit. Il s'est décrit dans le Coran, c'est décrit dans le Sunna. Moi, quand j'aime une personne, je ne voudrais pas savoir quelle est sa description. Je ne voudrais pas savoir comment qu'elle est, qu'est-ce qu'elle a. Quand je veux me marier, je ne veux pas savoir la nouvelle mariée, ma prétendante, comment qu'elle est, comment qu'elle s'appelle, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, pour m'approcher plus d'elle. Je ne cherche pas les affinités, je cherche. Comme Allah Ta'ala qui m'a créé, je ne connais rien de lui. Tout ce que je sais, ils ont dit, ya Allah, j'adore Allah, ça s'arrête là. Comme les vieilles et les vieux de nos anciens grands-pères. Classe. Il y a Allah, comme on dit en arabe, Maimouna ta'arif Rabbi, Rabbi ya'arif Maimouna. Une femme, on lui a demandé des choses, elle s'appelait Maimouna. Elle a dit, Maimouna connaît Allah, Allah connaît Maimouna. Voilà l'islam, ça s'arrête là. Subhanallah al-Azim. On ne connaît rien de la Aqida. Rien. On est des djouhad. Et on croit que demain on sera dans le paradis avec les prophètes et avec les messagers et avec les grands, les vertueux, avec les compagnons du prophète. Comme ça, avec le djihl qu'on a. Le djihl, des montagnes d'ignorance. Avec ces montagnes d'ignorance, on va être au paradis avec les vertueux. Alors que les compagnons, pour un seul hadith, traversaient des milliers de kilomètres. Ils allaient de Médine, je ne sais pas, au monde, pour écouter un hadith. Naam, subhanallah al-adim. Je ne vous retiens pas beaucoup, je répète, j'ai dit samedi, aqida, mercredi, hadith, et jeudi, inshallah ta'ala, fiqh. Et chaque vendredi, comme aujourd'hui, un vendredi, concours, et l'autre vendredi, question-réponse, spécialement pour vos réponses en ce qui concerne yani, toutes les choses, aqida, mariage, enfin, toutes les choses. Très vite, je donne, inshallah ta'ala, la parole à Al-Qalim, tafadhal hayyakallah. Wahiyak, salam alaykoum wa rahmatullah. Vous m'entendez? Oui, alhamdulillah wa sallallahu sallam ala muhammadin wa ala alihi. Barakallahu fik, Sheikh. Barakallahu fik, akhina Soufiane. Ala kulli hal, augmente un peu plus le son. Un peu plus le son. Vous m'entendez, Inch'Allah? C'est mieux, Inch'Allah. Ok. Je disais tantôt qu'il y a des gens qui insultent les frères suivant la voie des pieux prédécesseurs avec des noms pour dévier, pour égarer les gens. Donc ils leur disent ceci est un murji'i, ou ceci est un wahhabi, ou ceci est un salafi. Vous voyez. Alors ce sont des mots qui sont lancés sur da'watul haqq. Qui sont lancés sur Da'watul Haqq pour égarer les gens. Je disais tantôt que Allah Azza wa Jal, on commence par la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah Azza wa Jal dit wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Allah Azza wa Jal dit donc dans la traduction du sens de ce verset: et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune science, lui, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Donc le croyant, lorsqu'il voit ce verset-là, normalement, ça va lui faire, ou ça lui fait vibrer le cœur, de crainte qu'il dise une chose sur Allah Azza wa Jal qui n'est pas véridique. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله عز وجل dit dans un autre verset, dans la traduction du sens, il dit: mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés. Il n'a pas interdit que cela. Tant apparente que secrète, yani les péchés. De même que le péché, l'agression sans droit est d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve. Ensuite, il a fini le verset en disant: et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc, le fait de dire sur Allah ce qu'on ne sait pas est un péché. Et ce n'est pas un péché faisant partie des petits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi le dit dans son hadith, dans le hadith authentique. Il dit: man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment à mon sujet, yani volontairement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'il prépare sa place en enfer. Donc la science en vérité, on ne l'apprend pas de n'importe qui. On l'apprend de la bouche des savants. Et on devrait apprendre la science chez les savants. Et les talabat al-ilm, les étudiants de science, ne sont que des gens qui nous font passer cette science-là que eux ont appris chez les savants. De nos jours, on trouve des gens qui n'ont pas appris chez les savants. Ils ont appris l'islam des livres ou d'internet, par exemple. Donc ça rentre dans les livres. On trouve aussi nos pieux prédécesseurs critiquer ce genre de gens. Ils disent, comme par exemple Ibn Aoun, il dit: ne prenez la science que de celui dont on a attesté qu'il a appris. On trouve aussi Sulayman ibn Moussa dire: on ne prend pas la science d'un lecteur, yani celui qui prend sa science des livres. En expliquant cette parole, Hafez al-Baghdadi a dit, c'est-à-dire qu'il a appris sa science de la bouche des savants et non pas des livres, n'est-ce pas? Ces gens-là, vous avez cité un pseudo, Cheikh Ibn Taymiyyah, celui qui a parlé de mariage de la mère et tout. Sincèrement, c'est une personne qui n'a aucun niveau, yani moins zéro. Wallahi alladhi la ilaha illahu. C'est une personne qui me demandait, je prends Allah Azza wa Jalla comme témoin, qui me demandait sans arrêt de l'année dernière d'aller et de faire des cours, de donner des cours dans son salon, de faire des rappels dans son salon. Et aujourd'hui, c'est une personne qui rend les gens mécréants. C'est une personne qui n'a pas appris la science. On ne parle même pas d'eux. Des gens donc nous donnent des étiquettes et disent de nous qu'on est des wahhabis et qu'on est des talafis, etc. C'est quoi un wahhabi? Et c'est quoi un talafi? Je vous donne un exemple. Moi, je n'ai pas connu Mohamed ibn Abd al-Wahhab. En Algérie, donc on a appris la science en Algérie. Et alhamdoulillah, normalement, lorsque les gens accusent une personne d'être wahhabi, normalement, elle devrait donner comme définition ce qu'est un wahhabi. Normalement, on nous appelle les taymi, et non pas les wahhabi, car Ibn Taymiyyah est venu avant Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Vous voyez? Bref, donc c'est quoi un salafi? Moi, je voulais parler du terme salafi. Un salafi, la salafia n'est pas un parti politique. Ce n'est pas le nom d'une personne, ce n'est pas un parti politique qui a ses lois, etc. La salafia, c'est quoi un salafi? Le salafi, tout simplement, c'est celui qui suit le Coran et la Sunna et comprend ces derniers, donc il comprend le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Qui sont ces pieux prédécesseurs? En arabe, As-Salaf al-Salih, ce sont les trois premières générations de l'islam. Les trois générations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces trois générations, le prophète, paix et prière d'Allah soit sur lui, leur a fait éloge. Car ils étaient sur la bonne voie. Et nous, on essaye de comprendre l'islam, on comprend l'islam comme eux l'ont compris. Exactement. Donc il y a le Coran, il y a la Sunna, qui est la Sunna, donc elle englobe les dires, les paroles du prophète, les actes du prophète, etc. Donc ça englobe tout ce que le prophète a dit, a fait, etc. Et autres, pour ne pas rentrer dans les détails. Maintenant, comment comprendre le Coran et comment comprendre cette Sunna là du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On les comprend selon la compréhension des pieux prédécesseurs qui sont les trois premières générations de l'islam. Il serait illogique de dire que Al-Qalam vivant en 2007 comprenne la religion mieux que Abu Bakr, qui a accompagné le prophète, paix et prière d'Allah soit sur lui. Il serait illogique et impossible même de croire une personne qui dit que on devrait suivre par exemple Abdallah XV qui vit en 2007 et sa compréhension, au lieu de suivre la compréhension de Omar ibn al-Khattab et de Uthman ibn Affan et de Ali ibn Abi Talib et d'autres qui ont accompagné le prophète, paix et prière d'Allah soit sur lui. Donc le salafi, c'est qui? Le salafi, c'est celui qui comprend le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et qui a appelé les gens dans le monde contemporain, à notre époque contemporaine? Qui appelle les gens à apprendre la science et à prendre les preuves et à ne pas suivre à l'aveuglette? C'est les salafis. Pourquoi? Car les salafs ne suivaient pas à l'aveuglette. Ils prenaient leur science avec preuve. Donc le salafi, chers frères et sœurs, c'est celui qui comprend qui suit le Coran et la Sunna et les comprend selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Qui sont les pieux prédécesseurs? C'est les trois premières générations de l'islam. Les trois premières générations de l'islam. Maintenant, ceux qui détestent cette voie, la voie des pieux prédécesseurs, ou pas avec science, yani ils essayent d'égarer les gens, ou avec ignorance, ce sont ces gens-là qui appellent les salafis wahhabites. Ils les appellent wahhabites, ils les appellent talafi, murji'i ou murji'a, etc. Non. Qu'Allah Azza wa Jal nous enseigne notre religion, je ne voudrais pas tarder. Je prends Allah Azza wa Jal comme témoin que je vous aime, fillahi Azza wa Jal, et qu'Allah Azza wa Jal nous enseigne notre religion. Apprenons notre religion et avançons vers Allah Azza wa Jal. Je voudrais rajouter une petite chose pour être juste. Pour être juste, il y a aussi l'excès des frères salafis. Il y a certains frères salafis qui font l'excès dans le fait de rendre un musulman innovateur. Et ces gens-là, eux aussi, ils doivent craindre Allah Azza wa Jal, car eux aussi rentrent dans le sac de ceux qui parlent sans science. Donc il y a les deux côtés. Il y a ceux qui sont égarés et ceux qui sont salafis mais qui font l'excès dans le tabdi' et le tafsir, le fait de rendre un musulman mubtadi'. Donc il y a des lois. Et ces gens-là, je leur dis, craignez Allah Azza wa Jal, craignez Allah Azza wa Jal et consultez les savants avant de faire un jugement sur une personne, car ça risque de faire une fitna. Ça risque de faire une fitna, même ici sur Paltalk. Il y a eu une fitna. Des fois, on accuse une personne d'innovatrice, tandis qu'elle n'est pas innovatrice. Il y a des lois que le salafi lui-même devrait respecter. On appelle les gens à suivre Salaf Saleh, on devrait les suivre dans tout, même dans le fait de rendre le musulman innovateur. On devrait suivre les Salaf Saleh et ne pas faire de l'excès. Il faut craindre Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'lam. A vous le micro, cher. Cher, il se fait très tard chez vous. Vous devriez aller vous coucher, inshallah. Barakallahu fikum jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Justement, maintenant je ne peux pas me coucher parce qu'il reste un petit temps pour le fajr. Et si je me couche, je vais me réveiller salat al-dhar. Donc c'est pour ça maintenant que c'est un peu trop tard pour moi. C'est pour ça que je dois patienter bi'idhnillahi subhanahu azza wa jal. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa. Jazakallahu khair. Je voulais dire que c'est demain samedi. Je ne savais pas que c'était demain samedi. Demain samedi, inshallah ta'ala, on a le dars de la aqida. Naam. Ensuite, lundi, inshallah ta'ala, on a... Attendez, c'est pas lundi. Samedi. Ensuite, mercredi, inshallah ta'ala, on a Sahih al-Jami'. Naam. Et de temps en temps, ce dars, je le fais en Europe à cause des gens yani, qui veulent apprendre l'islam, qui veulent connaître l'islam, hein, faudrait leur faire quelque chose, leur faire entendre cet islam. Car il y a beaucoup de musulmans qui donnent une très mauvaise image de l'islam. Alors nous, notre but, c'est d'effacer la mauvaise image qu'ils donnent aux gens. Beaucoup de gens fuient de l'islam à cause de ces gens. Dernièrement, dans la salle des Tekfiri, une sœur, Mskina, reconvertie nouvelle, elle est tombée dans cette salle, elle ne savait pas aller rentrer dans le paltok, elle est tombée dans l'une de leurs salles. On lui a dit, ton mari est kafir. Ton mari est kafir parce qu'il ne renie pas le tarout. Il ne renie pas le tarout. Nous, c'est-à-dire eux, nous on le renie. On va être au paradis avec les prophètes et les martyrs et les vertueux. Mais ton mari ne renie pas le tarout, il est kafir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mesquine, elle a commencé quoi? Une procédure de divorce. Allahu al-musta'an, Allahu al-musta'an. 18 ans, elle a 18 ans, Mesquine. Elle a un enfant. Non, classe, elle est dans la procédure de divorce. Pourquoi? On lui a dit ton mari est kafir. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ila Allah al-mushtaka. Si ces gens-là, on leur laisse comme ça les portes ouvertes, on ne montre pas aux gens qui sont dans l'erreur, qui sont dans le faux. Si on, comment on dit le mot, toujours je ne le trouve pas, si on ne met pas en garde contre ces gens-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a participé à l'amochissement de l'islam. Les gens fuient, ils disent, puisque l'islam c'est comme ça, l'islam c'est tout le monde est kafir, l'islam c'est des bombes, l'islam c'est des suicides, l'islam c'est la criminalité, l'islam c'est le 11 septembre. C'est ça l'islam. Moi je ne rentre pas en islam. Je suis comme ça, masha'Allah. Naam, je ne rentre pas dans cet islam. J'aime pas qu'on dise de moi je suis musulman. J'ai honte. J'ai honte devant les gens qu'ils disent voilà, celui-là c'était musulman. Je préfère rester comme ça, rester chrétien et ne pas entrer dans ce din. Naam, pourquoi? Parce qu'ils ont amoché le din. Comme ça s'appelle en arabe qiyas al-aks. Comme tu as beaucoup de récompenses si tu fais rentrer quelqu'un dans le din. La même chose, tu as beaucoup de seyyiat et de châtiments si tu fais fuir quelqu'un du din. Naam, c'est la même chose. Tu fais rentrer quelqu'un, masha'Allah, beaucoup de choses t'attendent demain chez Allah, et tu fais fuir quelqu'un du din d'Allah, il y a le grand châtiment qui t'attend demain. Allah Ta'ala va te dire, c'est mon din, ce n'est pas ton din, ni le din de ton père, ni de ton grand-père que tu as hérité. Tu n'as pas le droit de parler. Ce n'est pas n'importe qui parle. Naam, moi si maintenant je vais aller à l'hôpital et je vais commencer à parler, je vais dire aux malades et aux infirmiers, faites-lui telle piqûre, hein? Ouvrez-lui le cœur, donnez-lui les pilules, ou là, comment ça s'appelle, les cachets X et Y. Ça veut dire j'ai fait quoi? J'ai fait une très très grande faute, j'ai fait un crime, j'ai fait un très grand crime. Pourquoi? Ce n'est pas ma spécialité, je ne peux pas parler dans cette chose. J'ai des péchés quand je parle. Naam, quand je parle j'ai des péchés. Alors ça c'est dans la vie, dans la dunya. Qu'en est-il de celui qui s'assoit et qui parle dans le din? Il dit, Allah a dit et son prophète a dit, Allah a dit et son prophète a dit, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Alors que Allah Ta'ala n'a pas dit et son prophète n'a pas dit. Pourquoi ils n'ont pas dit? Il va te dire, si c'est le verset 18, c'est le verset ceci. On leur dit, sah, c'est le verset 18 et c'est le hadith 38. Mais c'est quoi le sens? Qui t'a dit que c'est ça le sens? Voilà la différence. Comprenez bien cette chose. Ce n'est pas que les gens n'ont pas de verset. Qui n'a pas de verset? Qui ne peut pas ouvrir un livre, apprendre un verset et s'asseoir derrière un PC? Qui ne peut pas apprendre trois hadiths et s'asseoir derrière un PC? Ce n'est pas ça l'islam. Ce n'est pas ça l'islam. Qui t'a dit que c'est ça le sens de ce verset? Qui t'a dit que c'est ça son sens? Naam. Et qui t'a dit qu'il n'y a pas un autre verset qui a abrogé ce verset? Qui t'a dit qu'il n'y a pas un autre verset qui a rendu ce verset particulier? Ça s'appelle Tarsis. Il y a le Taqyid, il y a le Tarsis. Qui t'a dit qu'il n'y a pas? Subhanallah al-Azim. Regardez, je donne un exemple très simple. Comprenez. Le prophète, est-ce que vous m'entendez? Je crois que J'ai lâché le micro. Naam, vous m'entendez pas? Ça coupe. Naam, ça coupe, vous m'entendez pas bien? Si ça coupe, je préfère ne pas parler dans le vide. Naam, je donne un exemple très simple. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Dans un des hadiths, bien sûr. Il a dit Inna Allah la yaqbalu salata ha'id illa bi khimar. Inna Allah la yaqbalu salata ha'id illa bi khimar. Allah Ta'ala n'accepte pas la prière d'une femme en monstru sauf si elle met le foulard sur la tête. Vous avez entendu le hadith? Allah Ta'ala n'accepte pas la prière de Ha'id, une femme en monstru, sauf si elle a un foulard sur la tête. Imaginez que je comprenne comme ça le hadith. Parce que le hadith, intégralement, il a dit ça. Et je vais m'asseoir et je vais dire aux gens, la femme qui est en monstru, elle peut faire la prière. Le hadith, il est authentique, il est dans le Bukhari. Et je leur cite le hadith. Mais à condition seulement qu'elle fasse quoi? Qu'elle mette un foulard sur la tête. Alors que tout le monde sait que la femme au monstre, si elle fait la prière, elle a des péchés. Non. Si elle fait la prière, elle a des péchés. C'est le contraire. Non. Donc, d'où est venu ça? C'est venu de mon explication du hadith. C'est moi qui ai compris comme ça. Mais est-ce que moi, je suis revenu au ulama? Je suis revenu au self? Est-ce que c'est Abu Bakr Siddiq qui a expliqué ça comme ça le hadith, ou bien Omar, ou bien Uthman, ou bien Ali, ou bien les Sahaba, ou bien Taymiyyah, ou bien Ibn al-Qayyim, qui a expliqué comme ça le hadith? Chef, c'est ça la différence entre suivre le Coran et la Sunna d'après la compréhension des pieux prédécesseurs, ou bien suivre le Coran et la Sunna d'après notre compréhension ou la compréhension des égarés. Car comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde dit, moi je suis Coran et Sunna. Tout le monde. Prends n'importe quel musulman et te dit, je suis Coran et Sunna. Naam. Mais Coran et Sunna, d'après la compréhension de qui? Qui va t'expliquer le Coran et le Sunna? Toi tu as le niveau d'expliquer le Coran et la Sunna? Tu n'as pas et moi j'ai pas. Donc, on doit revenir. Donc le hadith ici, qu'est-ce qu'il a dit? Son vrai sens c'est quoi? C'est que quand il a dit ici Ha'id, le hadith et le Coran sont descendus en arabe. Laissons-nous voir que ça veut dire Ha'id en arabe. Ha'id veut dire une des deux choses. Ou bien une femme qui a les menstrues, ça veut dire elle les a, cette semaine elle les a eues. Elle est menstruée, on dit Ha'id. Ou bien, ça veut dire en arabe, une femme qui a commencé à avoir les menstrues. Elle était jeune, elle avait 11 ans, elle n'avait pas les menstrues. Maintenant, elle est ha'ed. Ça veut dire qu'elle a commencé à avoir les menstrues. C'est pas obligatoirement que ce jour-là, elle a les menstrues. C'est une fille ha'ed qui a commencé à avoir les menstrues. Et voilà ce qu'a voulu dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que quand elle commence à avoir les menstrues, elle est ha'ed. Il lui est obligé de mettre le foulard sur la tête. Cela veut dire que si elle n'est pas ha'id, elle est encore jeune, 9 ans, 10 ans, elle n'a pas encore les menstrues, elle peut faire la prière sans le foulard sur la tête. Ce n'est pas quelque chose d'obligé. Mais si je comprenais d'après ma compréhension, c'est grave. Je vais égarer les gens. Je vais dire quelque chose que les prédécesseurs n'ont pas dit. C'est un exemple très simple. Imaginez, j'ai donné un exemple très simple. Dans le fiqh, imaginez dans la aqida. Imaginez dans la aqida. Moi, des fois, je restais comme ça avec des amis. Yani, je plaisantais, mais je plaisantais dans le din pour toujours apprendre quelque chose. Je leur dis, bon, allez, on va voir maintenant quelle est notre aqida. On va voir combien d'entre nous ici, il y a de Mu'tazila, combien il y a de Jahmiya, combien de Murji'a, combien il y a de Takfiri, combien. Et je commence à poser des questions dans la aqida. Et tu trouves que celui-là, il répond avec la réponse des Tkfiriyins, celui-là, la réponse des Mu'tazila, celui-là, en croyant bien sûr qu'il est dans le vrai. Après, je lui explique, je lui dis, non, ce que tu as dit ça, c'est les Ash'arites qui disent cela. Ce que tu as dit toi, ce sont les Mu'tazila qui disent ça. Ce que tu as dit toi, ce sont par exemple les Najariya qui disent ça. Toi, ce sont les Jahmiya qui disent ça. Et comme ça, on se corrige et on apprend. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, la Aqida, beaucoup de nous ne la connaissent pas. Beaucoup, beaucoup. La Aqida, seule chose qui va te sauver demain quand tu rencontres Allah Ta'ala. C'est lui qui a dit dans le Coran, يَوْمَ لَمَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où rien ne te servira, c'est-à-dire quand tu rencontres Allah, sauf celui qui vient vers Allah avec un cœur sain. C'est quoi un cœur sain? Un cœur sain, c'est un cœur qui ne contient pas de shirk, l'association. Un cœur qui ne contient pas de bid'a, comme ça on dit le ulama. Ni shirk, ni bid'a. Et la bid'a, la plus grave, c'est quand elle est dans la aqida. Comme les gens, tu lui dis, où est Allah? Il te dit, il est partout. Allah Ta'ala, il est partout. L'une des plus grandes bid'a dans la aqida, c'est, ça revient à la secte Najariya et Awam al-Jahmiya, qui disent que Allah Ta'ala est partout. Non, il est, comme je vous ai dit toujours, il est dans le ventre de l'âne, il est dans partout. Allah Ta'ala est dans les toilettes et il est aussi dans les bars, il est partout. Ma'ad Allah. Alors que Allah Ta'ala a dit, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Il a dit qu'il est au-dessus de son trône. Il n'a pas dit qu'il est partout. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension vers lui pour nous redescendre avec la salat. Il est monté les sept cieux, il est arrivé à Sidrat al-Muntaha, l'arbre là. Ensuite, Allah Ta'ala lui a parlé, il lui a dit, dis à ta nation de faire cinq prières. Donc, où est-ce qu'il est allé? Il est allé vers Allah, il est monté. Il n'est allé ni à gauche, ni à droite, ni l'a creusé sous la terre. Pourquoi? Parce qu'Allah est au-dessus des cieux. Allah Ta'ala n'est pas partout. Il est partout avec sa science. Avec sa science, il sait tout ce qui se passe partout. Mais lui, il est au-dessus du trône. Dame, Taïb, ça c'est un exemple simple. Je voulais dire que maintenant, quand on meurt, c'est une question de Aqida d'abord. Avec les anges qui seront dans la tombe, ils ne vont pas te poser de questions sur la salat. Ils vont te parler de la Aqida. Ils vont te dire, Man Rabbuk, qui c'est ton Dieu? Naam. Si tu ne le connaissais pas, tu ne vas pas répondre. Hein? Tu as adoré quelqu'un comme ça par imitation. J'ai entendu ma grand-mère dire, il y a Dieu, je dis, il y a Dieu. Naam, c'est tout. Mais je ne connais rien de Dieu. Allah Ta'ala, je ne le connais pas. Un seul attribut de lui, je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il a des mains, s'il n'en a pas, s'il descend, s'il rit. Je ne sais rien de lui. Comment vais-je répondre dans la tombe? Man Rabbuka, qu'est-ce que je veux? Rabbu Allah, Allah, c'est qui Allah? C'est qui Allah? Je ne sais pas, les gens ont dit. Dans mon quartier, ils disaient Allah. J'ai entendu comme ça dans la mosquée, ils ont dit Allah, j'ai dit Allah. Naam. Madinouk. C'est l'islam. C'est quoi l'islam, toi? Qui de nous connaît l'islam? On connaît nous l'islam? On ne connaît rien de l'islam. Qu'est-ce qu'on connaît? Qui de nous a étudié l'islam? Personne. Où est l'islam? On ne connaît pas l'islam. On connaît nous l'islam? Naam. Ma'ouadin. Mena rajul ladhi bu'ita fikum. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que nous on suit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait comme ça avec les gens? Il disait à tout le monde, vous êtes tous kuffars. Vous êtes tous kuffars, vous allez tous en enfer. Ou bien il disait le contraire. Il disait aux gens, rentrez en islam. Rentrez. L'islam vous attend. L'islam vous ouvre ses portes. Rentrez au paradis, c'est le grand paradis qui vous attend. Oh, marhaban bikum, rentrez dans ce din. C'est comme ça qu'il disait. Ou est-ce qu'il disait le contraire? Avant-hier seulement, je disais aux gens, je leur disais, nous qui prétendons qu'on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, nous on prétend qu'on le suit. Masha'Allah, on le suit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la da'wah, il faisait seulement le qital, il tuait seulement avec l'épée, c'est tout ce qu'il faisait. C'est tout, c'est ça, c'est comme ça l'islam. Il ne faisait pas l'épanchement des cœurs. Il n'essayait pas d'attirer les gens en leur donnant des chameaux, en donnant de l'argent aux gens. C'est pour ça que nous, on donne la zakat aux gens. La zakat, il est permis de la donner aux kuffars. Naam. C'est un verset pour attirer le kafir. Je lui donne la zakat pour l'attirer, pour qu'il rentre en islam. Je ne lui donne pas zakat al-fitr. C'est interdit. Mais zakat al-mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des fois 100 chameaux à la fois à une seule personne, une fois, il lui a donné 300 chameaux. Vous savez ce que c'est 300 chameaux? Un chameau, c'est à peu près peut-être 25 millions ou 30 millions, écoute. Il a donné à une seule personne 300 chameaux pour le faire rentrer en islam, à un kafir. Est-ce que nous, on donne aux kafirs des chameaux? On essaye de les attirer vers l'islam? Nous, les musulmans, on leur dit vous êtes des kuffars. Comment se fait-il qu'on accepte d'un kafir qu'il rentre en islam? Le musulman, miskin, il rentre dans le paltok, il veut apprendre comment se rapprocher d'Allah, comment rentrer au paradis, comment éviter l'enfer. Il est miskin avec sa niya et on lui dit, toi tu es kafir. Toi tu es kafir. Moi des gens me contactent et on me dit, on passe la nuit à pleurer. On passe la nuit à pleurer, on m'a dit on est kafir, khlas. J'ai des doutes, j'ai peur, je suis kafir. Une seconde, inchallah, je vais ouvrir la porte et je reviens. Salam alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme je disais, نعم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, نعم, ce n'est pas seulement faire la barbe comme lui et dire Alhamdulillah, j'ai la barbe, j'ai le qamis, je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, class, je le suis, masha'Allah, et je l'imite. نعم. Ce n'est pas seulement la barbe et la khamis. Et encore, la barbe et le khamis, ce sont les choses, inshallah ta'ala, les plus faciles. Naam, c'est très facile de laisser la barbe, de laisser le khamis. Ce sont des choses obligatoires, je veux dire la barbe, mais elles sont très faciles à faire. Mais est-ce que je limite aussi dans son comportement? Dans son comportement avec les gens, avec les ennemis, avec les amis, avec les voisins, avec sa femme, avec les enfants. Est-ce que je fais comme faisait aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam. Est-ce que c'est difficile pour moi de m'asseoir derrière le micro et de dire aux gens allez au djihad? Naam. Allez au djihad, allez tuer les gens, égorger les femmes, égorger les bébés, et moi je reste derrière mon PC, mashallah, avec ma femme et mes enfants. On va se promener, on va à la forêt, on va la piscine, je ne sais pas où, mashallah, et je pousse les gens et je leur dis que c'est obligatoire que vous fassiez cette chose et cette chose, et moi je suis là, comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Allah Ta'ala dit dans le Coran, il demande sur ce que vous avez fait dans le djihad, combien vous avez tué, combien ceci, combien cela, alors que s'ils étaient avec vous, ils n'auraient tué que peu. Il n'aurait pas participé. Naam. Il pousse les gens de derrière les PC. Et eux, mashallah, ils vivent la belle vie. Naam. Ils sont là à remplir de l'argent dans les sacs. Naam. Et ils poussent les gens, les jeunes, masakin, les nouveaux convertis, les nouveaux dans le paltok qui ne savent pas. Ils leur mettent le virus. Ensuite, dès qu'ils sont atteints par le virus, ces gens-là sont a'oudou billah, presque irrécupérable, parce que c'est un virus dangereux, que le virus du sida, plus dangereux, le virus du takfir, quand tu commences à kafar, c'est plus dangereux que le virus du sida. Beaucoup de takfirioun en France, et beaucoup en Belgique. En Belgique, l'autre fois j'entendais quelqu'un, il a 22 ans, il a dit directement, et celui qui ne juge pas avec l'islam, il est kafir. Et celui qui ne juge pas. Ensuite, il a essayé de lire le verset en arabe. Il a sauté un mot. Alors l'admin lui a dit, ça c'est pas le Coran. Tu as sauté un mot dans le Coran. Il y a un mot que tu as sauté toi. Non. Il sait même pas qu'il y a un mot qu'il a sauté. Et il dit, je suis arabophone. Masha'Allah, tu es arabophone toi. Masha'Allah, tu es arabophone. Naam. Celui-là, il a 20 ans ou là il a 21 ans. C'est la faute à qui? Lui, il a ouvert les yeux, il est rentré dans cette salle, il croyait que c'est ça l'islam. Maintenant, il croit que c'est ça l'islam, et nous tous, on est dans l'erreur. Nous tous, vous tous qui êtes dans la salle, moi, on est tous dans l'erreur, dans l'égarement. Si on meurt, c'est très grave pour nous. Et lui, il est dans le vrai sentier, il est sur le chemin du prophète et des compagnons. Le shaitan, comme ça lui dit. Donc c'est difficile à quelqu'un pareil de lui faire ouvrir les yeux une deuxième fois. C'est pour ça que je demande à mes frères et mes soeurs d'être très très très gagné, très vigilant, et vous avez beaucoup de récompenses devant Allah Ta'ala demain quand vous mettez en garde contre ces gens. Pourquoi toi tu mets en garde contre ces personnes? Est-ce que ils m'ont volé de l'argent? Est-ce qu'ils vont, ils ont frappé mon enfant? Est-ce qu'ils m'ont volé ma voiture? Non. Pour Allah. Parce qu'ils amochissent l'islam. Et ils sont contre les savants et contre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils font fuir les gens de l'islam. Moi je le fais pour Allah. Moi je le fais pour Allah. C'est pas la personne elle-même. Parce qu'il s'appelle par exemple Salah. Je suis contre Salah parce que lui, c'est pas lui. C'est le minhaj qu'il a. C'est la route qu'il est en train de suivre, le sentier qu'il est en train de suivre. Si demain il revient vers le kitab ou sunna, comme la compréhension des salafs, je le mettrai sur ma tête. Je le mettrai sur ma tête, et je lui donne tout ce que j'ai. Si j'ai, entre parenthèses. Parce que je ne le déteste pas lui. Je déteste son minhaj. Je déteste son innovation. Je déteste son égarement. Et égarement des gens. Je déteste son amochissement de l'islam. Je déteste quand il déforme l'islam. Et il montre aux gens un islam faux. Que Allah Ta'ala n'a pas fait descendre. Jamais. C'est pas ça l'islam. C'est impossible que ça soit l'islam. Il est 3h25 chez moi. 3h25 du matin. Je vous donne, Inch'Allah Ta'ala, rendez-vous demain pour le dars de la Aqida. Et il dit, puis-je mettre un rappel pour le dars de... mets le rappel, Hada, Inch'Allah Ta'ala, mets le rappel. Avant de partir, sachez beaucoup de choses. Je vous demande, quand vous commencez vos dourous pour le Hajj, une est en train de se faire. Terminez la liste pour le Hajj. Je suis prêt à commencer les dourous du Hajj pour ceux qui vont partir au Hajj. Je suis prêt à, Inch'Allah Ta'ala, faire des dourous pour le Hajj. Spécialement pour ceux, Inch'Allah Ta'ala, qui vont partir au Hajj, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, al-minhaj, est-ce que tu as terminé, Inch'Allah Ta'ala? Dimanche 4 novembre. À 11h dans le salon, les repères de la sunna, le frère Ammar, alhamdoulilah, fait la suite de son rappel sur les rites du pèlerinage. Manasik al-Hajj. Al-Badi, alhamdoulilah, donc pour les personnes qui veulent... Naam. Tayyib, puisque... Al-Minhaj, puisqu'il y a le frère Ammar qui fait des cours du Hajj, tu ne vois pas pourquoi moi aussi je vais faire des cours du Hajj, puisque maintenant, s'il les fait à ma place, pourquoi on va faire tous les deux le Hajj? Naam. Ah, il a commencé mercredi. Non, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ont, Inch'Allah Ta'ala, l'intention d'aller au Hajj, le frère, Inch'Allah Ta'ala, a commencé des cours spécialement sur le Hajj. Non, chaque chose qu'on va faire, on est, et nombreux n'étaient pas au courant, et comptez sur les vôtres. Non, maintenant, si beaucoup n'ont pas commencé avec lui et qu'il est allé un peu loin dans ses doros, je peux aussi moi faire pour ceux qui ont raté beaucoup de cours. Mais s'il est juste au début, les frères et les sœurs pourraient peut-être aller chez lui et il va refaire le premier dars par exemple. Non. Car on ne peut pas aller au Hajj ni faire une adoration si on n'a pas la science nécessaire. Chaque chose qu'on doit faire, on doit la faire avec la science. Je veux aller au Hajj, il faut que j'apprenne les règles du Hajj. Je ne vais pas là-bas et je vais demander aux gens qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je tourne de gauche à droite ou de droite à gauche? Est-ce que je monte le Safa ou bien je descends? Est-ce que je lève mes mains ici ou je lève pas? Est-ce que je dis tel doigt ou tel doigt? Non, non, non, non. J'apprends mon din avec Basira. J'apprends mon din avec Basira. Quand le Hajj n'était pas obligatoire pour moi, je ne suis pas obligé d'apprendre les règles du Hajj. Maintenant que je vais aller au Hajj, je suis obligé de commencer à apprendre tout ce qui a rapport avec le Hajj. Avant de me marier, ce n'est pas obligatoire pour moi que j'apprenne tout ce qui a rapport avec le mariage. Maintenant je vais me marier, il faut que j'apprenne tout ce qui a rapport avec le mariage. Ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, mes devoirs, mes droits, comment faire avec l'autre époux, etc. Et comme ça, naam, je vais commencer à faire le commerce, il faut que j'apprenne les règles de la vente. Ahkam al-bay'a. Naam. Maintenant je ne fais pas de commerce, je ne suis pas obligé d'apprendre ces choses. Je vais aller au djihad. Les ulama ont dit, c'est le djihad, il faut aller au djihad, il faut que j'apprenne les règles du djihad. Je ne vais pas là-bas sans science. Et je vais commencer à tuer les gens qu'il ne fallait pas tuer. Naam. Ou alors, laisser vivants ceux que je devais tuer. Je fais le contraire. Ou alors dans le hajj, je ne sais pas comment faire la prière quand c'est le moment de la peur et la crainte. Je ne sais pas comment faire la prière du djihad. Et comme ça, naam. Beaucoup croient que le djihad, c'est seulement aller tuer des gens et aller couper des têtes. C'est ça le djihad. Je vais là-bas, je tue les gens, je coupe les têtes. Alors que il ne sait même pas une des règles du djihad. La règle la plus simple dans le djihad, peut-être qu'il ne la connaît pas. Naam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous apprenne sa religion, qu'il nous l'apprenne comme celle, yani la vraie religion, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait descendre d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Naam. Eux ils font le djihad virtuel. Naam. Ils font le djihad virtuel comme faisait qui? Comme faisait Abu Qatada. Vous connaissez Abu Qatada, dont le frère Abdel Malik a écrit un livre sur lui. Cheikh Abdel Malik rahimahullah, Hafidahullah, a écrit un livre sur Abu Qatada. Il l'a appelé dans son livre Abu Qatad. Qatad, il a enlevé le A. Car Qatada, c'est un nom. Si tu dis Qatad en arabe, c'est chouk. Jazakallahu khair, chouk. C'est en français, comment on appelle les épines? Abu Qatad, le père des épines. Naam. Abu Qatada qui venait à la télévision dans des vidéos, etc., et incitait les gens et exhortait les gens à aller au djihad. Et pas seulement au djihad, mais le djihad contre les musulmans. Naam. Il parlait de l'Algérie. Il disait dans les vidéos, égorger les femmes, tuer les enfants, assassiner tout le monde. Naam. Masha'Allah. Et il ramasse de l'argent. Regardez, Abdullah 15 qui le connaît parce qu'il est en Angleterre, et l'autre était en Angleterre, bien sûr, et qu'il ramasse de l'argent. Subhanallah al-Azim. De la télévision, il exhortait les gens, et lui, il vit en Angleterre, mariant une Anglaise. Inch'Allah, je crois qu'elle est musulmane. Maintenant, il est fou si elle est kafira. Naam. Et quand il a des problèmes, hein, il dit tuer les gens, ce sont des kofars, parce qu'ils ont voté. Ils ont voté, ils ont dit oui ou non. Même si tu dis non, tu vas voter, tu dis non, j'accepte pas cette personne, je suis contre, il te dit tu es kafir, tu as voté, tu as accepté la démocratie, tu as voté. Le mohim, il oublie quoi? Il oublie que lui, il est dans un pays de kofar. L'Angleterre, c'est un pays de kofar. Il oublie ça. Enfin, il se fait oublier. Et le pays musulman, il dit c'est un pays de kofar, on doit tuer tout le monde. C'est exactement comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. En parlant de Abu Qatad et de ses acolytes, les takfiri khawarij, qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit Yada'ouna ahl al-awthan wa yaqtuluna ahl al-islam. Subhanallah al-azim. Sadaqta ya Rasulullah. Sadaqta ya Rasulullah. Sadaqta ya Rasulullah. Qu'a dit le prophète, il a dit il tue les gens de l'islam et laisse les gens de l'association. Subhanallah. Le kafir, il le tue pas. Et il dit, il faut tuer le musulman. Naam, il faut lui. Il a voté. C'est un kafir. Et lui, il vit en Angleterre, il amasse de l'argent. Et le plus grave, c'est quoi? Le plus grave, vous savez, c'est quoi? Quand lui, il a des problèmes, l'État, être en prison, ou l'Algérie, veut par exemple, veut son extradition, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez les kuffars, les avocats, et il leur demande, paye de l'argent bien sûr, pour le défendre. Ça veut dire, il demande aux kuffars d'appliquer le kuffre. D'appliquer quoi? D'appliquer les lois du kuffre, comme ils disent eux. Les lois des kuffars, il va à l'avocat et lui dit, il faut que vous m'aidiez pour que j'aille pas en prison et que pour que on m'extradie pas vers l'Algérie. Naam. Et il donne de l'argent à l'avocat. Et l'avocat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, au nom de la loi du code 38, article 215, etc. Et il va appliquer la loi des kuffars. Il lui donne l'argent pour qu'il applique la loi des kuffars sur lui. Alors qu'il dit que nous sommes des kuffars. Subhanallah al-Azim. Quel sera leur châtiment cela demain quand ils rencontreront Allah Ta'ala? Comment qu'ils vont lui répondre? Comment? Dites-moi comment qu'ils vont répondre à Allah subhanahu wa ta'ala demain, ces gens-là. Naam, ces gens, les takfiriyoun, qui ont dit que tous les musulmans sont des kuffars, sauf eux bien sûr, comment qu'ils vont rencontrer demain Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanahu wa ta'ala. نعم عبد الله كنز أخبرنا بشيء أكثر من هذا أعطيك اللاقط إن شاء الله تعالى تفضل أنت راك في إنجلترا وتعرف ماذا يحدث تفضل خذ اللاقط إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحديث كما ذكرته شيخنا يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان il tue les gens de l'Iman il délaisse les gens qui adorent les statues l'Autan les idoles. Lui, Cheikhna, il ne les délaisse pas, mais il les protège, il les défend. Comme vous avez, il a écrit la fatwa qui a autorisé les Khawarij au Bled, en Algérie, de tuer Qatr ibn Niswan, aussi bien les femmes, ainsi que les garçons, les petits garçons. Et il est apparu à la télévision anglaise, hein, il a appelé ses frères al-Mujahideen, d'après lui, en Irak, de laisser les deux koufars chrétiens, hein, de les laisser, de ne pas les tuer. Et puis il est apparu encore une fois pour dire si vous me laissez partir en Palestine, Je vais essayer de ramener ces prisonniers qui étaient des Anglais kuffar. Et allez l'ajab. Regarde comment il fait pour défendre ces kuffar. Par la parole, il demande au gouvernement anglais s'il lui permet d'aller, parce qu'il était en prison, jusqu'à Palestine pour ramener ces deux kuffar qui étaient, wal'ayadu billah, Moubachirin, je ne sais pas comment on les appelle en français, j'ai oublié. Moubachirin qui faisait des trucs sur la christianité. Vous voyez, Cheikh Al-Fawad, il n'a pas cessé à juste tuer les musulmans ou bien à ne pas à délaisser les koufars, mais il protège les koufars. Il est allé à insulter les sahaba pour défendre ces khawarij. Il a dit, vous le savez dans le livre de Cheikh Al-Malk, en disant que, parce que ces Khawarij ou Blad, ils ont tué leurs frères qui étaient sur le même ménage que Mohamed Saïd. Il disait, moi je ne suis pas d'accord, etc., etc. Et à la fin, il disait, ça ce sont des erreurs du djihad qu'il faut attendre à tout. Si moi je veux écrire les fautes des Sahaba dans le djihad, écoute, les fautes des Sahaba dans le djihad, j'aurais dû écrire des tomes et des tomes. Allahu Akbar. Regarde cette croyance de ce tekfiri et ce qu'il pense sur les sahaba. Pour lui, même les chiites n'ont pas dit ça. S'il pouvait écrire les fautes des compagnons, radiallahu anhum, dans le djihad, ils pourraient écrire, pas un livre, pas une risala, mais des tomes et des tomes. Ça veut dire que les fautes des sahaba dans le djihad, ils étaient énormes et plusieurs. Inna lillahi wa inna. C'est pas une insulte, directe ou indirecte, envers les sahaba, je sais pas c'est quoi ça. Ah, il est venu en Angleterre, lui ainsi que tous ses khawarij, ils ont tous, ah, la majorité d'entre eux, ils ont un passeport anglais. C'est quoi un passeport anglais? British, comme ils disent. C'est quoi un passeport anglais? Un passeport anglais qui veut dire que tu as accepté, qu'il t'a donné l'alliance à la reine. Hein? Il a donné l'alliance à la reine en disant que je vais. Soi-disant, obéir à vos ordres et défendre, etc., etc., etc. Et ça, c'est pas une croix, une mécréance en elle-même, je sais pas c'est quoi une mécréance. Yani, subhanallah, comme le Cheikh a dit, ici ils ont des problèmes, ils vont directement aux avocats ici, mais pour eux, ad-darura. Et si je dis, les hukam, ils ont darura, ils disent non, il n'y a pas de darura. Dans le tawhid, masha'Allah. Et ça, c'est pas le tawhid. Yajuzu li sha'iru ma la yajuzu li ghayri. Alhamdulillah, yani, on est connu maintenant. Et même les gens ici, ils n'ont marre. Wallah, alhamdulillah, yani, ils se réveillent. Ici en Angleterre, généralement, alhamdulillah, ils se réveillent. Les frères, ils se réveillent. Wallah, alhamdulillah. Et la plupart d'entre eux, ils sont revenus. Ceux qui sont restés sur le minhaj, généralement, yani, inshallah, l'afiya. Yani, il n'y a pas comme avant. Wallah, alhamdulillah. Peut-être pas comme en France. Maintenant, en France, le tekfir qui a été ici en Angleterre s'est dirigé envers en France parce que c'est quelque chose de nouveau pour eux. Peut-être, Inch'Allah, qu'Allah, les guides, ils vont, si c'est pas trop tard, vont se réveiller. Parce que ces chiyur, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent que de l'argent. Si vous savez ce qu'il y a entre ces chiyur qui sont pour eux des idoles, comme Ibn Qutada, Abu Qutada et Abu Hammam, qui est venu pour dire donnez-moi l'alliance, le bay'a, je suis khalifa al-muslimin et qui vit sur le chômage et sur les lois du kuffar. C'est un clown. Vous avez vu un khalifa de tous les musulmans qui vit dans un pays de kuffar? Il ne peut même pas se protéger lui-même et qui veut l'alliance. Juste pour vous dire, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Naam, Cheikh, Zakumallah khair. Et je peux vous dire qu'il faut faire attention à ces gens, Zakumallah khair. Eux, ils envoient jamais leurs enfants vers le djihad. Pourquoi eux, ils n'envoient pas leurs enfants au djihad? Pourquoi eux, ils ne font pas le djihad? Pourquoi eux, ils restent ici, en vivant au chômage? Subhanallah, comme le Cheikh l'a dit, Wallah, des fois, tu as honte de dire que tu es un musulman. Ils ramènent ces gens à la télé pour dire: toi, tu fais rien, tu n'as rien à jeter à ce pays, hein? Tu vis en chômage et tu dis qu'on est kuffar, on mérite d'être tué. Vous voyez, ça c'est de l'hypocrisie. Ça a de nifar. Comment tu vis, biqatat, le débris des kuffars qu'ils te donnent et qui te paye le loyer, qui te donne le chômage, puis tu dis que ces kuffars méritent d'être tués. Yani, ça ne marche pas, ikhwan jazakumullah khair. La aqlan wa la shar'an. Si vous avez des problèmes avec les koufars et que vous pensez qu'ils sont des koufars qui méritent d'être tués, sortez de leur pays et confrontez-les. C'est ça l'islam et c'est ça, c'est ça la logique aussi. Mais eux sont comme l'ayyadu billah des munafiqin. Leur fatwa ou bien des tekfir, ramasser de l'argent, faire le ghanima, pour eux ils appellent le ghanima son djihad, le fait de voler avec les cartes Visa. Vous voyez, bagarré avec une barbe qui a été attrapée par la sécurité parce qu'il a volé, il a voulu voler avec une carte, le butin, Allah sallallahu al-afiya. Wallahi, ça donne une mauvaise image aux Anglais, aux kuffars en général, de l'islam et du musulman. Maintenant, bien sûr, le kafir, il va jamais te faire confiance. Il va jamais te faire confiance. Jamais. En plus, cet argent, elle ne va pas comme eux, ils disent. Cet argent, elle est toujours dans leur poche, dans leur voiture, dans leur maison, etc., etc. Venez ici et venez voir ce qu'ils ont, ces gens. Ils sont venus avec rien. Wallahi, wallahi, une, deux, 3 ans. Wallahi, je l'ai vu moi-même. Moi-même avec des Mercedes, akhi. Wallahi, avec des Mercedes. Et je les connais personnellement, ya cheikh. Avec des mobiles phones, dernier cri, etc. C'est ça le djihad? Ah, ils travaillent même pas. Ils ont 40, 50 livres la semaine. Comment ils font ça? Si c'est pas de l'argent des musulmans. Qu'est-ce qu'ils font? Tahrid. Ils jettent les gens. Hein? Ils jettent les gens vers ce genre de. Hein? Ils ont trouvé qui? Je ne veux pas blesser les gens, que les frères algériens, qu'ils ont peu de sentiments. Hein? C'est comme ça, un Algérien fait comme ça généralement. Hein? C'est pour ces amis algériens. C'est facile de les jeter dans ce genre de choses. Hein? Ils sont nerveux, ils ont des sentiments, etc. Enfin, ils trouvent de nous un appât. Un appât. Hein? Ils jettent les Algériens, s'ils veulent du djihad, voilà, et eux, ils restent ici. Et eux, ils restent ici. Maintenant, ils l'ont mis en prison. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont mis en prison. Hein? Il a commencé à perdre le poids. Et il a voulu sortir. Il a son avocat. Etc. J'ai rien dit. Mais subhanallah, c'est quoi ce nifaq? Il est où les musulmans comme eux disent le tawhid? Et si je meurs à cause de à cause de ce tawhid, je le ferai. Hein? Tout, c'est tekfiri. Une fois, ils sont attrapés par. Ah, parce que le gouvernement anglais, il savait, mais parce que le gouvernement anglais, il ne voulait pas du bien pour les gouvernements algériens, pour les musulmans, lui, il savait que ce Abu Qudada, alayhi min Allah, il donnait des fatwas, hein, vers les Khawarij oublad pour tuer les enfants. Mais ça, pour eux, c'était du bien, parce qu'ils sont des koufars, ils ne veulent pas que les musulmans, subhanallah, ils ne veulent pas que la paix règne au bled en Algérie. Pourquoi ils veulent ça? Hein, ils veulent qu'ils rentrent eux-mêmes pour dire que voilà, c'est à cause de nous que la paix règne comme en Irak, pour qu'ils puissent voler, pour qu'ils puissent contrôler les musulmans. Donc c'est eux qui poussent ces koufars à venir dans nos pays et à nous voler et à nous guider comme ils veulent. Vous voyez, eux, ce sont un appât. Une fois ils ont terminé avec ce djahil, Abu Qutada, hein, ils l'ont mis en prison. Voilà. Une fois ils ont terminé, on met prison. La mosquée où il fait khutbat le Jumu'ah ya Cheikh, t'arrives, Makan les fait le Jumu'ah ya Cheikh, Marqas, c'est une petite discothèque. Hein? Ils font c'est une genre de salle de fête. Ils font la discothèque, ils font tout. Et le Jumu'ah, c'est une place pour la mosquée. La hawla wa la quwwata illa billah. Eh, non, danser, hein? Et pour le Jumu'ah, il a fait. Et en plus, la grande mosquée à Londres, c'est même pas 200 mètres. Une grande mosquée qui est juste à 200 mètres, même pas. Regarde comment il veut diviser la Oumma. Et lui, c'est une petite mosquée des tekfiri qu'il utilise pour les fêtes, des koufars, la boisson, etc. Il vient le vendredi pour faire un salat. Allah, c'est pour ça, Cheikh Abdelmak, il dit Al-Mashbouhou fihi. On revient toujours à ça. Il s'est fait des doutes. Comment ces gens n'ont pas été attrapés au premier degré par ces koufars et ils ont été utilisés par les koufars et comment ils sont libres de faire tout ce genre de choses. Une fois, ils ont commencé à toucher à la Grande-Bretagne, tout le monde est où ça? En prison. Une fois, ils ont touché en Amérique, tout le monde est en prison. Et eux, ils apprennent jamais. Ils apprennent jamais. Ils disent, nous, on trouve le haq dans les pays de kuffar, on ne le trouve pas dans les pays de musulmans. Dis-leur de répéter la même phrase qu'ils ont dit 2-3 ans avant. Et maintenant, ils sont en prison. Fa'ilallah il-mushtaka shaykhana. Et ça, ce sont des choses qu'ils étaient en télé, qui sont toujours même, si vous allez à BBC pour ceux qui veulent des preuves, allez à la BBC et mettez Abu Qutada, vous allez voir l'interview entre lui et Abu Qutada, est-ce qu'il a voulu faire Abu Qutada, il a même, il disait, eux-mêmes, il disait qu'il a dit que je vais vous aider. Hala Abu Qutada, celui qui parlait de Tawhid, hein, le kafir bit Tarut, etc., il a dit qu'il va, après le 9-11, c'est ça, ce qui s'est passé en Amérique, parce qu'il avait peur, il a dit aux autorités anglaises qu'il va les aider pour rattraper ces gens. Hein? Dans une interview avec la BBC, ils l'ont fait, vous pouvez le trouver même ici dans le net. Hein? Parce que, alhamdoulilah, tout ce qu'il a dit, elle a été enregistrée ou bien audio ou bien dans la télé. Mashallah, tabarak. Il est où le tawhid, Manu Yachir? Hein? Elle est tawhid. Il va te dire, j'ai peur. Et pourquoi t'as pas dit ça? À propos des gouverneurs, ils ont peur peut-être. Il a dit non, il n'y a pas de la crainte dans le tawhid. Pour lui, ça va, ça marche. Mais pour les autres, ça ne marche pas. Pas juste pour voir comment ces gens, ils jouent hein, avec les mots. Et comme tu as dit, même les versets qu'ils utilisent pour rendre les gens mécréants, sont même pas des versets, Yachir, comme tu as dit, Yani khas, ou am, etc., ou a été mansour, des versets, Yani. Laissez min al-muhkam, min al-mutashabih. Comme Ibn Abbas a dit, comme les salafs, ils ont dit que ces gens, ces takfiris, ils utilisent le mutashabih min kitab Allah Azza wa Jal, ka qawlihi ta'ala wa man lam yahkum bima anzal. Yani hamal al-wujuh. Le mutashabih, c'est un verset qui a plusieurs sens, qu'il faut le revenir à un vers qui est muhkam, qui est clair et net. Eux, ils utilisent ce genre de vers. Etc. Et les gens qui viennent ici, ils regardent, oh subhanallah, ils ont des dalils. Ils ont des dalils pour kafir les gens. Enfin, juste pour vous dire une petite chose, Cheikhna Al-Fadl, barakallah fik, sur ce genre de gens, comme Abu Hamza aussi, qui est ici en prison, qui taquinait les ulama et qui kafir. Ah, et lui, il était quoi? Il était comment on appelle, un doorman dans une discothèque. Il était un doorman dans une discothèque. Mais nous, on dit, alhamdoulilah, c'est vrai que la porte de Tawbah est ouverte. Mais subhanallah, mais il s'est bien tu étais dans le haram, tu étais dans le kufr, tu étais en plein haram. Au point où tu protégeais les koufars quand ils dansent, et d'une nuit de l'autre, tu es devenu mashallah tabarakallah. C'est ça, ça c'est juste pour al-Mahdi, yaslihallahu fi layla, mais pas pour les gens comme lui. Comme a dit le Cheikh, al-ilmu bit-ta'allum, al-ilmu bit-tahallum, ça vient pas comme ça. Hier, tu étais un doorman dans une discothèque, maintenant tu es un Cheikh qui appelle au djihad, ça marche pas comme ça, ça va prendre du temps, ça prend du ilm. On revient à qui? On revient aux grands ulama. C'est Allah Azza wa Jalla qui nous demande de revenir aux grands ulama dans ce genre de choses. C'est pour ça, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il disait que ce genre de choses, le djihad, ou le takfir, et le dima, on revient pas aux grands ulama, mais on revient au, ce qu'on appelle à la crème de la crème des grands ulama. Khawas Ahl al-Ilm. Là, c'est Ahl al-Ilm, pas des grands ulama, mais Khawas et Ahl al-Ilm. Il y a juste une minorité des grands ulama. Et ça, tout ça vient d'un verset que Allah Azza wa Jal a dit qu'il faut revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux gens du savoir quand il a dit وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Yani, revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien à ceux qui peuvent extraire ces ahkam de ces versets. Pas n'importe le qui. Pas de celui qui ne sait même pas lire le Coran. Pas de celui qui ne sait même pas faire la différence entre le muhkim et le mutashabah. Pas entre quelqu'un qu'on ne connaisse pas ses chouyours. Quelqu'un que personne ne connaît comme un shir. Quelqu'un qui n'est pas sur la sunna. Quelqu'un qui ne savent rien dans le din, mais il n'y a que le Hamas. C'est facile. Et Ikhwan, regardez dans l'histoire, même Hitler. Hitler n'avait pas de ilm, mais il a fait bouger une nation. C'est facile de bouger. Surtout les gens, si les gens sont dans la pauvreté. C'est comme ça au Bled. Les gens au Bled, ils n'étaient pas pour l'islam à 100%. Les gens au Bled, ils étaient 29, 28 ans, 30, ils n'étaient pas mariés. Ils avaient une crise de logement. Et quand un fils est venu, il ne les a promis pas le hukm bima anzalallah, yani din, sharia, revenu redin. Non, il les a promis une meilleure vie. Il a commencé à nettoyer, il a ramené de la tomate de où? Il a ramené de la tomate du Maroc à un dinar, il l'a vendu à demi dinar pour dire, il faut vous voter pour nous, la vie sera mashallah. Donc il a tiré de ses par la dunya. Et ces gens n'étaient pas prêts. Ils n'ont pas commencé à taquiner le shirk. Ils n'ont pas commencé à apprendre à ces gens le tawhid, à apprendre à ces gens l'ilm. C'est pour ça où sont ces 99% des gens qui votaient pour le fils. Où sont ces gens-là? Même le fils lui-même est rentré dans le parlement. Vous voyez que tous ces gens sont sur quoi? Sur la chaise. Ils veulent tous le hukm. C'est pas le hukm bima ghayri ma anzallah ou le hukm bima anzallah, mais eux-mêmes, ils veulent une partie de ce hukm. Et l'Allah il mushtaka. Mais je dirais pas que chaque personne qui est avec eux est pareil. Mais je parle en général, ikhwan. Et j'en parle en général. L'histoire se répète elle-même, comment dirais-je. Et c'est ça, ikhwan, il faut. C'est pour ça. Ibn Mas'ud, il a dit une parole yani, qu'il faut apprendre et qu'il faut se souvenir de cette parole. Il a dit, Fima'na Kalam Ibn Mas'ud, qui est un sahabi, compagnon du prophète, il a dit, La yazalu nasu bi khayr ou ala khayr. Les gens sont toujours sur du bien tant que leur savoir venait de qui? Des compagnons du prophète Hassan et des grands ulama, wa kibar et ahli l'ilm. Tant que le ilm vient des sahaba, compagnons, et des grands ulama, ils sont sur une bonne voie, ils sont sur le khayr, sur du bien. Et une fois le ilm vient des petits, sira qui veut dire des gens qui sont sur la bonne voie, mais ils n'ont pas le calibre d'être un grand alim, ou bien de petits qui veut dire qu'il n'est pas sur la bonne voie. Ah, un mot, c'est-à-dire. Dans les deux cas, Huliku ou Halaku, Filiwayatin, ils sont détruits. Ils sont détruits. C'est pour ça, les Sahaba eux-mêmes, ils revenaient à qui? À Ibn Mas'ud. Pourquoi Ibn Mas'ud était un grand alim? À Ibn Abbas, il était un grand alim. À Ibn Omar. Eux, ces Sahaba eux-mêmes, qui les autres Sahaba qui étaient avec le Prophète Sassim, malgré tout ça, ils revenaient après la mort du Prophète Sassim à ces grands Sahaba qui ont du ilm. Même ces Sahaba, ils vivaient avec le Prophète. Ils ont vécu avec le prophète Hassan. Mais ça, s'ils avaient des questions, ils vont vers qui? Vers Ummul Aisha, vers Ibn Umar, vers les grands ulama qui sont connus par l'ilm. Pas n'importe le qui. Et nous, on est quoi? On prend l'exemple de ces sahaba. On revient aux grands ulama. Surtout sur des choses pareilles. Sur des choses pareilles. Hein? Quand il s'agit du djihad, quand il s'agit de takfir, quand il s'agit des grands nawazil, je ne sais pas comment on les appelle en français, peut-être le cheikh Zahallahi peut le mettre, nawazil, on revient toujours en grand ulama. C'est une responsabilité, c'est une grande responsabilité. Et eux disent, votre ulama sont les ulama de Hayd. Ulama comme le cheikh Ibn Baz, ils disent, nous on prend de ces ulama, mais juste dans la salat, le siyam, etc. Ils disent, mashallah, tabarakallah, la salat est plus importante que le jihad. La salat est plus importante que le jihad. À l'aqal, il n'y a pas un alim qui dit, si tu ne fais pas le jihad, tu es un kafir. Mais il y a des ulama qui disent que si tu ne fais pas ça, tu es un kafir. Salat ou imad ou din. Le jihad ou le salam, il est en haut. Mais pour arriver au jihad qui est en haut, il faut travailler, il faut faire la base, le tawhid. Même si on dit le jihad au fardou kifaya sur tout le monde. Comme la salat elle a des conditions. On ne peut pas faire le salat d'or avant que le temps rentre pour salat d'or. On ne va pas faire salat l'isha à 4 heures. Et tu vas me dire que l'isha est wajib. Je suis d'accord, mais ce n'est pas le temps pour l'isha. Ça ne veut pas dire que je suis contre l'isha. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas au Isha. Eux, ils renversent tout. Maintenant, ils vont dire que Cheikh Talabi, il n'aime pas le djihad. Frère Abdullah, il est contre le djihad. Cheikh Ibn Baz, il est contre le djihad, l'ayyadu billah. Non. Le djihad, ça commence par le nafs. Ça commence par le djihad de shaitan. Ça commence par le djihad de ahl al-bid'a. Ça commence par talib al-ilm. Ça commence par le da'wa, etc. Il y a plusieurs étapes du djihad. Et le djihad des ennemis est aussi un djihad. Et nous, on croit ce djihad. Et on l'aime et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous prenne comme des martyrs. Mais il y a des conditions. C'est quoi le but? Si on ne connaît pas le but, avec la science, na'am, si on ne connaît pas le but du djihad. Le but du djihad, c'est pas le fait de tuer les ennemis d'Allah. Non. Le but du djihad, c'est i'la'u kalimat la ilaha illallah. I'la'u halahu al-harf. C'est ça le but. C'est pas un règlement de compte. C'est pas une religion qui est basée sur la haine comme eux ils disent. Nous, on aime ce qu'Allah aime et on déteste ce qu'Allah déteste. Donc la religion, elle dit, elle n'est pas basée sur une haine. Ce qu'Allah il aime, nous, on l'aime. Ce qu'Allah il déteste, nous, on le déteste. Mais ça ne veut pas dire, si on le déteste, on n'est pas juste envers eux. Hein? Les koufars, les juifs, barakallahu fikum, ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madine avant qu'il les, qu'ils sont sortis. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était sallallahu alayhi wa sallam juste avec eux, au point où ils sont rentrés à l'islam à cause des manières du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause des adab ou akhlaq du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit Allah azza wa jalla, innaka la ala khuluqin. Et c'est ça. L'islam est arrivé en Inde, en Malaisie, pas avec le djihad. L'islam est arrivé. Bon comportement, barakallah, avec l'islam est arrivé. Il y a plusieurs pays par le bon comportement et la da'wa que par le djihad, par l'épée. Plus que l'épée, subhanallah al-azim. C'est l'histoire qui le dit, barakallah fikoum. Maintenant, la umma elle est faible dans les deux côtés. Quelle que soit la faiblesse du din, l'udda al-imaniya, ou bien la faiblesse. Hein? La faiblesse du matériel. Hein? Si on va se mettre avec ces koufars, hein? Le plus petit pays des koufars est mieux que le plus grand pays des musulmans. Il faut être raisonnable, il faut être logique. Hein? On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Il y a un proverbe qui dit, il dit, si vous ne pouvez pas morder, ne montrez pas vos dents. Vous voyez ce que je veux dire, cher? Non, réalistique. Si vous ne pouvez pas morder, hein? Nous, ce qu'on fait, etc. Quand il vient le haq, ça, on ne fait rien. Hein? On ne fait rien. Comme ils ont fait le taliban. Comme le taliban, ils ont fait. Au lieu. Une nation, toute une oumme, au lieu de dire, baladien sort, pas tuer les gens à cause de toi. C'est par nous. Ils sont. C'est ça, ana ou kalimata Allah. Est-ce que c'est un bénéfice pour le din? Non. Les gens sont sortis après, les talibans, avec les CD de la musique. Le cinéma qui n'existait pas avant, les gens barbent devant la caméra pour dire on est libre maintenant, etc. C'est ça? C'est ça ce qu'ils voulaient les talibans? Parce qu'ils ont voulu guider ces gens par l'épée, pas par l'aim. Hein? Ils ont voulu forcer ces gens à faire des choses. Mais c'est pas comme ça l'islam, Ikhwan. C'est pas comme ça l'islam. Barakallahu fikoum. Al-Hassan, Ikhwan, Izzakum Allah khair. Peut-être c'est le temps pour le cheikh Salat. Hana maladei, cheikh al-Fadil, à propos de ces gens. Voilà, on a le kalam, qu'ad yotir bina ila l'ghad. Lakin, insallallah al-afi, ils sont tous pareils. Comme les frères salafis, walillahi al-hamd, ils sont pareils. Tu prends un frère salafi du Saoudi, ou du France, ou de l'Algérie. S'ils sont vrais des salafis, wallah, ils sont pareils. Ils ont la même croyance, ils ont la même pensée, etc. Si tekfiri, plus ou moins, c'est la même chose. Tu prends n'importe quel tekfiri. Quel que soit le Maqdisi, ou Abu al-Qutad, ou Abu Basir, ils sont toujours pareils. Ils sont toujours, la plupart d'entre eux sont des menteurs, qui n'ont pas de savoir, et qui mènent cette umma à la destruction. Allah al-Mushtaka, sallallah an yahdiyana wa iyyahum aw yarihna minhum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Barak Allah fik, Akh Abdullah, jazak Allah khayran. Quand tu parlais de Abu Qawtad et qu'il a dit que, طيب, est-ce que vous m'entendez? Vous écrivez numéro 1. Qu'il a dit si je vais écrire les fautes, jazak Allah khayran. Si je vais écrire les fautes des compagnons, non, je vais écrire un grand livre. Si je vais citer les fautes des compagnons, je vais écrire alors un grand livre. Dans le djihad. Non. Non, tout le monde sait. Est-ce que ça, c'est étonnant? Tout le monde sait que les takfiriyin, leurs ennemis, c'est qui? Leurs ennemis, c'est les ulama. Leurs ennemis, c'est les ulama. Tout le monde sait cela. Takfiri, tu dis, il n'y a pas d'alam. Le alam, c'est nous. C'est Salah 15 qui est le alam. Il n'y a pas un autre. Non. Et Ben Baz et les autres, ce sont des kuffars, des tarots, des al-muhim. Les sahaba, les khawarij, les ont combattus en leur temps. En leur temps, les khawarij ont combattu, ont tué Uthman ibn Affan, ont tué Ali, pardon, non pas tué Ali, ont combattu Ali, l'un des, le premier khawarij a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, taqillah, al-muhim. Donc ce n'est pas étonnant que ils ne suivent pas les sahaba, ils sont contre eux. Je te donne un exemple très très clair. Toi, l'exemple que tu as donné, il a parlé des sahaba et il a dit ils ont fait des fautes comme des tombes. Regarde. Mais istahish, il n'a pas honte d'Allah Azza wa Jal. Il n'a pas honte. Il parle sur les sahaba qu'Allah Ta'ala leur a fait la. Il a dit radi wa radu an. Allah Ta'ala, il a dit je suis ravi d'eux. Celui-là, il dit ils font des fautes. J'écrirai des tomes, des fautes dans quoi? Dans le djihad, masha'Allah. Regarde, il y a seulement quelques jours, Abdallah 15, seulement quelques jours, j'écrivais avec un takfiri, un khariji, dans une salle takfiri, dans le paltok. Je lui ai dit, vous êtes les premiers à ne pas juger avec l'islam. Vous, les takfiriens, qui dites aux gens, il faut juger avec l'islam, vous êtes les premiers à ne pas juger avec l'islam. Il m'a dit, comment? Je lui ai dit, écoute, Allah Ta'ala quand il a dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَ اللَّهِ فَأُولَيْكَوْمُ الْكَافِرُونَ. Celui qui ne juge pas avec l'islam, c'est un kafir. طيب. Allah Ta'ala a dit cela. Mais c'est d'abord quoi le sens? Je ne l'explique pas. En revenant, on doit avoir des... Il m'a dit oui, d'accord. Je lui ai dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète alayhi sallam a enlacé et serré pour lui faire la doua de Allahumma allimhu tafsir, Allahumma faqihu fi din, Allahumma allimhu ta'wil. Regardez, le prophète sallam, quelle doua il a fait? C'est pas n'importe quelle doua. Il a dit, ya Allah, apprends-lui l'explication du Coran. Alors celui-là a dit, ce n'est pas le grand coffre, c'est le petit coffre. Alors, comment vous dites que nous, on juge avec l'islam, et toi, tu es le premier à ne pas prendre de l'islam. De l'islam, tu ne veux pas prendre de la vie de Abdullah ibn Abbas. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Subhanallah al-Azim. Le shaitan peut-être ne dirait pas ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, moi, je ne prends pas avec Abdullah ibn Abbas de son avis s'il a contrarié le Coran. Ya'ni yunakhidh al-Qur'an. Il m'a dit non, moi je prends ce qu'a dit Allah, je ne prends pas ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Allahu Akbar, je prends ce qu'a dit Allah. Yani Abdullah ibn Abbas ne prend pas de ce que dit Allah. Femme, Abdullah ibn Abbas, non, il tire des choses de sa tête. Naam, Abdullah ibn Abbas, il ne juge pas avec l'islam, il n'a pas pris avec le verset. Allahu Akbar. Hadou, ceux-là, s'ils avaient un peu de honte et de respect envers le prophète alayhi salatu wasalam, pas envers Abdullah ibn Abbas, s'ils avaient un peu de respect envers le prophète, ils auraient eu honte. Ils auront dit subhanallah, c'est son cousin et il lui a fait des doua. Il a dit ya Allah, apprends-lui le tafsir. Ensuite, celui-là, il lui a expliqué un verset, moi qui ne connais que deux versets ou un hadith et je n'ai jamais fait d'études en islam, je dis Abdullah ibn Abbas, non, tu t'es trompé quand tu as dit c'est du coffre d'un coffre. Non, c'est pas comme ça Abdullah ibn Abbas. Il faut que tu révises, il faut que tu refasses des études. Tu ne connais pas le Coran toi. C'est moi qui le connais. Moi le petit takfiri qui vit dans le pays de coffre. C'est moi qui connais. Subhanallah l'adim. Est-ce qu'il y a un égarement plus grand que cela? Dites-moi. Est-ce que vous connaissez égarement plus grand que cela? Et je dis aux gens, il faut juger avec l'islam. Il faut juger. Tu es un tarot si tu ne juges pas. Est-ce que toi tu juges? Est-ce que toi tu juges avec l'islam? Commence par toi. Est-ce que toi tu juges avec l'islam? Toi, Abdullah ibn Abbas, quand il dit une chose, tu la frappes contre le mur, tu l'as mis sous tes pieds, et tu veux que je juge moi avec l'islam. Commence-toi à juger avec l'islam, ensuite va parler aux gens. Toi le premier. Hein, toi, le prophète islam lui a fait des doigts, et lui a dit apprends-lui le tafsir. Voilà, il t'a fait le tafsir du verset. Pourquoi tu prends pas de ce tafsir? Pourquoi tu prends pas? C'est Ben Laden qui va m'expliquer le Coran, ou là c'est Abdullah ibn Abbas? Non, ou là c'est Oussama 14 qui va m'expliquer le Coran. Subhanallah. Et ils disent, que nous on suit l'islam. On suit l'islam. Wallahi, tu suis l'islam sans suivre les sahaba. Wallahi, tu iras en enfer pour mourir et finir là-bas comme un chien. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kilabun nar, les chiens de l'enfer. Kilabun nar. Allah Ta'ala dit dans le Coran, fa'in amanu. Naam, fa'in amanu bimitli. Comme l'a Abdullah Kaz. Fa'in amanu, j'ai oublié le verset. Fa'hula wa rakhwati fa'in. Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa man yushaqiq al-rasul. Wa man yushaqiq al-rasul. من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يتبع il a dit ils ne suivent pas le sentier des mu'minin. Les mu'minin c'est qui? C'est d'abord les compagnons. Est-ce que nous on est plus croyants que les compagnons? Naam. Mais ceux-là ils ne suivent pas le chemin des compagnons. Naam. Allah Ta'ala a dit بمثل ما آمنتم به فإن آمنوا il ne suffit pas croire en Allah, c'est tout. Il faut que tu crois comme eux ont cru, comme eux. La même chose. C'est pas je crois comme je veux moi. Et le prophète, c'est pour ça qu'il a dit alaykum bi sunnat al khulafa rashidin mahdiyin. Tu n'as pas le droit de suivre seulement la sunna du prophète, mais la sunna du prophète expliquée par la sunna des khulafa Rachidin al-Mahdiyin. Naam. Pourquoi toutes ces choses-là? Naam. Qui de nos jours ne dit pas je suis Coran et Sunna? Tout le monde. Shia disent. Tu vas Shia, il te dit moi, Coran et Sunna. Mu'tazili, Coran et Sunna. Ibadi, Coran et Sunna. Khariji, Coran et Sunna. Takfiri. Elle te dit c'est moi le vrai Coran et Sunna. Naam. Mais Allah Ta'ala ne t'a pas dit de suivre le Coran et le Sunna, c'est tout. Il t'a dit de suivre le Coran et la Sunna avec le vrai sens. C'est pas ce qui traduit le Coran et la Sunna. Et tu dis Allah Ta'ala a dit, le prophète a dit. Non, ils n'ont pas dit. Il faut que tu dises qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par le verset. Ça ne suffit pas de dire Allah a dit cette chose. Naam. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce que c'est ça le sens? Où est le dalil? Donne-moi la preuve que c'est ça le sens du verset. Et comment trouver la preuve? Tu trouves la preuve, tu vas voir ceux qui ont vécu avec le prophète alayhi sallam, est-ce qu'ils ont dit la même chose que toi? Est-ce qu'ils ont traduit comme ça et expliqué comme ça ce verset, le hadith? Est-ce qu'ils l'ont compris comme ça? Ou là toi tu viens qui n'a pas d'instrument, tu n'as ni arabe, ni ilm al-hadith, ni usul fiqh, ni balara, ni rien, tu vas comprendre tout seul le Coran. Comme ça tu ouvres un livre, tu comprends. Comme a dit le prophète alayhi sallam en parlant des khawarij, en parlant de ce qu'il dit, il dit ya'lamuna al-Qur'an, il a dit yani inna ahadakum yahqiru qur'anahu ma'a qur'anihim, mais il a dit la yujawizu halqahum fi ma'na al-hadith hulughahum. Naam, ils ont le Coran mais seulement dans la bouche, leur Coran n'est pas descendu dans leur cœur, il est juste sur la bouche, c'est des versets qu'ils disent comme ça et qu'ils répètent sans comprendre le sens. Non, sans avoir compris le sens. Subhanallah al-Azim. Tayyib, le parler de cela, ça ne suffit pas. Il faut parler des jours et des jours, des années et des années. De toute façon, même celui qui voudrait comprendre et connaître le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il suive les pieux prédécesseurs. Car le prophète alayhi sallam a dit que ma nation va se diviser en 73 sectes. Naam. Kulluhum finna. Tous en enfer. Sauf une seule secte. Oh, ça s'appelle secte, ça s'appelle. J'ai lu que ça s'appelait secte. Mais je préfère dire groupe. Seul un seul groupe ira au paradis. Man kana ala mitli ma ana alayhi liyoum wa ashabi. Il a dit, le groupe qui va aller au paradis, voilà son signe, comment le reconnaître. Il faut que tu sois comme j'étais moi et mes compagnons. C'est lui qui a dit, c'est le prophète qui a dit ça, c'est pas moi. Il a dit, seulement le groupe qui, dans son minhaj, dans son aqida, dans son comportement, était comme moi et ses compagnons, seulement celui-là qui ira quoi ? Qui ira demain au paradis. Tous les autres, même s'ils ont suivi l'islam, mais ils l'ont compris d'une autre façon, l'islam des Mu'tazila, l'islam des Asha'ira, l'islam des Ibadiyya, l'islam des Jahmiyya, l'islam des Najariyya, l'islam des Wahdat al-Wujud, l'islam des Soufis, l'islam des Takfiriyin, l'islam des Kharijit, tout cela, leur fin c'est l'enfer. Tout cela, ils vont finir à l'enfer. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en parlant des Kharijit, il a dit, si je les rencontre, je les tuerai. Qitala Ad. Et dans une autre version, Qatla Thamud. Thamud. Naam. Il a dit, quiconque les tuera aura un ajr. Et quiconque, s'il est tué par eux, il meurt shahid. Naam. Tous les musulmans que les takfiriyins ont tués sont des shuhada avec le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout musulman qui a été tué par un takfiri, c'est un shahid. Naam. Pourquoi? Parce que le premier qui n'a pas appliqué l'islam, c'est le takfiri. C'est le premier à avoir dévié de l'islam et à avoir tué Uthman ibn Affan et avoir tué, combattu et fait la guerre à Ali ibn Abi Talib et yani, à avoir compris l'islam d'une façon déformée. C'est le premier, donc lui qui n'a pas appliqué l'islam et non pas moi. Je disais que il est le temps, inshallah ta'ala, qu'on se quitte. Demain, inshallah ta'ala, on a dans la aqida. La aqida, c'est très, très, très, très, très important. Demain, inshallah ta'ala, on se rencontre dans le, si je n'ai pas oublié, dans le 27e ou 28e dars. Je vous laisse d'ici demain. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici demain. D'ici demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a des gens qui étaient masha'Allah, ensuite ils ont commencé un peu à dévier, ensuite j'ai peur qu'ils se retrouvent de l'autre côté. Je demande à Allah ta'ala qu'il nous préserve, car tant que on ne nous a pas mis dans la tombe, on doit avoir peur. Moi, tant que vous m'entendez, je suis en train de parler avec vous, il faut que vous ayez peur pour moi. Vous dites, on ne sait jamais comment qu'il va le finir. Naam. Il faut avoir peur. C'est ça le musulman. Je ne sais pas comment je vais finir. Je vais finir avec Ahl Sunnah, mais je vais finir avec Ahl Bid'ah. Je ne sais pas. Seul Allah Ta'ala connaît le ghaib. Moi, je fais beaucoup de doigts pour moi et vous, bien sûr, chacun fait des doigts pour lui. Pour que Allah Ta'ala le préserve et qu'il meure et Allah Ta'ala ravi de lui. Car il y a beaucoup de fitna qui attendent. Il y a beaucoup de, donc ça, des pièges qui nous attendent. Il y a beaucoup de virus qui nous attendent. Il y a beaucoup de maladies qui nous attendent. Non, le virus, c'est pas le virus du sida. Je parle du virus dans le din, du virus de takfir et les autres. Non, le virus des ahbash. Non, le virus du soufisme. Salam alaikum wa rahmatullah. Ça c'est déconnecté. Vous m'entendez? Parce que je vais faire Binsalon, Inch'Allah Ta'ala. Naam, je dis que Naam, il faut faire beaucoup de doigts, Inch'Allah Ta'ala, parce que personne ne sait ce qui va lui arriver demain. Naam, personne ne sait ce qui va lui arriver demain. Ce qui va nous arriver dans une minute, on ne sait pas. Comment qu'on peut savoir ce qui va arriver année demain? Naam, quiconque de nous croit qu'il est Masha'Allah, il ne faut pas qu'il soit, qu'il rentre dans l'illusion et le ghurur. Si tu sens que tu es Masha'Allah, fais des doigts et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te montrer la vérité, vérité. Car des fois, le shaitan va te montrer quoi? La bid'a, il va te la montrer qu'elle est la sunnah. Naam. Et l'égarement, il va te le montrer que c'est la guider. Alors ne sois pas très content, mais vois et compare. Compare ta aqida et ton minhaj. Est-ce que les sahaba avaient le même minhaj et la même aqida que toi? S'ils avaient la même chose, lève les mains et remercie Allah subhanahu wa ta'ala, car il t'a guidé. Naam. Faut pas te baser sur ce que tu ressens toi, c'est tout. Non. Cheikh l'Islam a dit, même celui qui adore la statue, il trouve de la sincérité dans son cœur. Naam. Celui qui adore la statue, il trouve la sincérité, il se dit, je suis mashallah, je suis dans le vrai chemin. Mais, il faut avoir des références. La référence c'est qui? Ce sont les compagnons. Naam. Allah Ta'ala leur a donné la tazkiyah. Il a dit, je suis ravi d'eux. Naam, je suis ravi d'eux. Je les attends avec un grand paradis. Naam. Donc ceux-là, moi, je vais les imiter et avant de faire que je vois et que je suis. Eux, ils l'ont fait avant moi. Naam, s'ils l'ont fait, alhamdoulilah. Donc je suis dans le vrai chemin. Mais s'ils l'ont pas fait, même si je sens la sincérité dans mon cœur, il faut que je dise je me suis trompé. Car Allah Ta'ala a dit, en parlant du shaytan, il a dit فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ. Il a dit, alors le shaytan leur a embelli. Et il a dit dans un autre verset أَعْمَلَهُ لَهُ سُوءُ عَلَنْ فَإِنَ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَى وَدِلُّ مَنْ يَشَى. Allah Ta'ala dit dans le Coran, est-ce que celui qui s'embellit de façon à ce qu'il, ses mauvaises actions ont été changées de façon à ce qu'il les voit? Regardez, des fois on a de très mauvaises actions et on nous les embellit, on croit qu'on est mashallah. Donc il ne faut pas faire de cela. Si tu sens yani dans ton cœur que tu es bien, tu dis là je suis bien, mashallah, je sens ça dans mon cœur, ou là parce qu'on est nombreux, ou là, c'est pas ça. Il faut revenir vers qui? Vers les croyants, et dire est-ce que ce que je fais, eux ils l'ont fait? Est-ce que ce que je dis, eux ils l'ont dit? Est-ce que le minhaj que je suis, eux ils l'ont suivi? Et comme ça. Naam, je disais que le chemin est long, on sait pas ce qui va se passer d'ici demain. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide encore plus et qu'il nous attache avec nos savants, nos grands ulamas, et non pas comme les takfiriyens qui ont fait des ulamas à leurs grands ennemis. Nous, c'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit laysa minna, il n'est pas de nous, man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, il n'est pas de nous celui-là. Qui? Celui qui n'est pas miséricordieux avec les enfants et les petits-enfants, et ne respecte pas les vieillards, et donne pas aux ulama leur valeur, et ne donne pas à nos peuples avancer. L'héritage est mort. Il n'a pas laissé ni argent, ni villa, ni quoi, ni des palais. Le prophète Islam n'a pas des palais, naam, il n'a pas des villas, il n'a pas des ranchs au Texas. Non. Qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé des ulamas. C'est lui qui a dit, l'ulama'u warathatul anbiya. Alors maintenant moi, si je taquine les ulamas, si je suis contre les ulamas, je suis contre les savants, d'où vais-je prendre l'islam? Comment? D'où vais-je le prendre? Je vais prendre l'islam de Ansar Tawhid, je vais rentrer chez Salah, il va m'apprendre l'islam. Où vais-je apprendre moi l'islam? Maintenant que je dis, il n'y a pas d'ulama, et tous les ulamas sont des kuffars, ils sont des taroutes. Où vais-je apprendre l'islam? الله سبحانه وتعالى ثبتنا يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنها. اللهم زدنا هودا على هودا وثبتنا على صراطك المستقيم ومنهج نبيك الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكفينا شر الكفيريين وشر والمبتدع وأعداء الدين. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.